Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Salut Mike, ça va, tout va bien? Bah ouais, toi Sandro? Bah bof, je sais pas ce qu'il a Jack en ce moment, j'ai l'impression qu'il a un souci vis-à-vis de moi, il est pas très agréable. Mais non, t'es parano là, il a aucun problème avec toi. Salut Mike. Salut. Salut Jack. Salut connasse. Tu vois, tu te fais des films. Bonjour, c'est Maître Ping. Et moi c'est Pong. Nous aussi dans l'atelier, côté Mickaël de 21h à minuit. C'est très très bon choix émission. Du dimanche au vendredi, 21h minuit, c'est très très bon choix émission. Et c'est Ping et Pong qui le disent. Bon, et avant de commencer vraiment l'émission, toute l'équipe et moi-même tenons à adresser nos sincères condoléances à la famille et aux amis d'un homme qui a bercé notre enfance. Il a vu le jour le 5 février 44 à Brest. Musicien de talent, il aura contribué au succès des concerts de Johnny Hallyday lorsqu'il était son saxophoniste. Ancien musicien de Dorothée, il jouera même dans la série La Croisière Folle Amour, c'est pour dire, par exemple. Nous avons également une pensée pour Eric, Bernard, Rémi et Framboisier. Oh, rest in peace, René. Bravo, salut l'artiste. Ouais. Allez, passons à des choses plus joyeuses maintenant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, mais c'est vrai que bon, ceux qui sont très très jeunes vont se dire bon du qui parle, mais ceux qui sont un peu plus vieux, genre nous, alors on est des musclés. Enfin, pas le roux, hein, mais nous, ceux qui ont ouais plus de 25 et jusqu'à 40 et même plus, bah effectivement, René des musclés, les musclés sur TF1 à l'époque. Attends, et tout, ça parle. Hein. Moi j'ai 23 ans, je regardais tout le temps. Ça, c'est parce que t'es un blaire. Ouais, c'est vrai. Toi t'écoutais G-Squad aussi, hein, je te le rappelle. Ouais. Hein. Bon, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. 1094e émission ce soir. Ouais, encore ouais. Une et ça fera 1095. Ouais, c'était la importante du jour, merci Sandro. La suite de mes infos pourries un peu plus tard. Bon, ce soir on parlera de la grippe. Ah, on commence à flipper de plus en plus là, je sais pas si vous avez remarqué là. Ah, oui, ça flippe, mec, je mange plus de cochon depuis 6 mois donc. Bon, rappelons que la grippe A est en fait la grippe porcine. Voilà, c'est ça. Il y a 3 joueurs du Stade français qui ont été touchés aussi. Ouais, et d'après et c'est justement après un déplacement à Bayonne, la ville du jambon. Hein. Fallait vraiment avoir envie d'être contaminé quand même. Hein. Enfin bon, on va parler aussi tout à l'heure donc de la grippe A en la comparant à un autre fléau récent, le. Chikungunya. Non, presque ça, c'était le chikungunya, là, ce fameux moustique là qui a fait flipper la Réunion il y a quelques mois de ça à peu près. On a réussi à infiltrer les virus grâce à un nouveau système scientifique que l'on a eu en exclusivité totale. On ouvrira ça tout à l'heure. Allez, on va se faire le répondeur aussi là tous les soirs. Vous laissez vos messages au 01 40 71 3400. Vous nous dites, ce que vous voulez et on fait gaffe à ce que vous voulez. Vous nous dites ce que vous pensez, votre délire, si vous êtes content, pas content de votre journée, bref, peu importe. Et on fait gagner le meilleur message de la soirée. Écoutons si vous avez été bon ce soir. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Papa, je vais faire caca. Bah bien. Non, je vais faire caca, je suis. Enfin, c'est pas le débile. Non, je vais faire caca chez Toff. Mais non, tu vas pas chez Toff. Parce que si tu pisses chez lui, tu vas choper le cancer de la vessie. Et en plus, il a des poils. Alors, soit tu fais caca ici, ou soit tu te prends ma main dans la gueule. Fin du message. Message suivant. Allô, c'est Pépé. Ils vont me dire que bonne rentrée, mes petits. Bonne rentrée. C'est Pépé, hein. Ouais. Hein. C'est bon là. Bonne rentrée. Ça va. Et mémé, oui, oui. Bonne rentrée aussi. Tant mieux. Au revoir. Allez, au revoir. Fin du message. Oh. Message suivant. Hey, how are you les mecs? Je vous appelle en direct de New York City, où je suis parti pour apprendre l'anglais avec l'école. Donc c'était pour vous dire, bah, I am very, very, very... Ah, et puis merde. Fin des nouveaux messages. Bon, qui ont fait gagner ce soir l'English ouais. Ou celui qui tentait de parler anglais. Ouais. Moi, je propose que tu le fasses gagner. Allez, on lui fait gagner des cours d'anglais et on lui envoie une méthode pour apprendre. Eh bah, ben, pas de problème, on fait ça. Micha. Et d'ailleurs, on parlera des gens qui apprennent l'anglais tout à l'heure. Tout à fait, effectivement, justement. Tiens, on vérifiera aussi le niveau d'anglais d'ailleurs de Toff, puisque tu te la ramènes, hein. Bien sûr. Très bien. Bon, on fera pareil avec les Français de l'équipe, puisque apparemment, selon le TOEFL, c'est le Test of English. TOEFL. Enfin bref, c'est le Test of English as Foreign Language, qui veut dire l'anglais en tant que langue étrangère. Donc les étudiants français sont les plus mauvais en anglais. It is not a surprise. Voilà le meilleur exemple. Hein. La France est donc à la 69e position. C'est pas mal, ouais, hein, c'est un bon c'est chiffre. C'est un bon chiffre, je suis ouais, d'accord. Voilà, 69, oui, c'est comment on dit Toff, 69e position 69th position. Merci Toff. C'est dommage. Il sera sans pavé la prochaine. Ouais, voilà. Sans potionner sur le roux, il est trempé le pauvre. Bon, c'est dommage si qu'on ait pas le DVD. Un truc pour apprendre, moi, un truc, moi je veux bien. Oui, si tu veux, la langue. D'accord, oui, avec le DVD, ouais, c'est dommage qu'on ait pas le DVD, ouais, ce que j'allais dire justement. Cela dit, je peux t'offrir la compil Extravagance si tu veux, hein, on en a plusieurs à faire gagner là, si tu veux. Ouais, mais ça m'apprend pas l'anglais. Non, si, quoi extravagance. Que si, hein. Extravagance. Ah ouais, mais ça fera qu'un mot. Ouais, c'est vrai. Michael, le podcast. Bon, allez, j'en avais parlé tout à l'heure, là, un petit peu d'infos plus importantes, évidemment, sur Amy Winehouse. Ah. Je viens de lire dans la presse donc que sa vie pourrait être adaptée en comédie musicale. Ah, ça, c'est ouf. Ça pourrait le faire, hein, tu sais, avec Stone, le monde et Stone. Ah oui, là, ouais. Ah, là ça passe tout seul. Hein. Mais les Anglais, en fait, adorent les comédies musicales, donc ils vont, même pensé à en faire une sur James Goody. Vous vous souvenez l'ancienne candidate de télé-réalité là, qui avait décidé d'être suivie par des caméras pendant qu'elle souffrait du cancer. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai j'en avais entendu parler de ça. Ouais. Et c'est aussi en Angleterre donc qu'est venue l'idée de faire cette comédie musicale sur Amy Winehouse. N'importe quoi. Qui voilà. A pu avoir cette idée aussi con son frère. Voilà. Ouais. Il est aussi drogué qu'elle, non? Bah, écoute, pour avoir une idée la con comme ça, il y a des chances. En fait, c'est Alex Winehouse donc, qui a déclaré que la vie bizarre de sa sœur serait un scénario idéal pour une comédie musicale. Donc il dit, on a donc essayé, enfin c'est nous qui avons donc essayé plutôt d'imaginer ce qu'elle pourrait chanter en fait sur des comédies musicales françaises. Alors par exemple, si elle devait chanter Aimer de Roméo et Juliette, hein, vous rappelez, ça donnait ça Aimer. Voilà. Eh, franchement, avec le recul, qu'est-ce que c'est ringard. Ah ouais, avec le recul. Ouais. C'était un carton, hein, ce truc-là à l'époque. Oui, oui, c'est, bah oui, bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai emballé. Voilà, bon, tout le monde a reconnu. T'as emballé là-dessus, toi. Bien sûr. T'as emballé quoi? Et en même temps, il a emballé sur autre chose. Hein. Je suis sûr qu'on n'est pas à l'abri qu'il emballe là-dessus. Hein. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Non, quand même. Ça, c'est Winnie. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon. Je me suis juste de savoir qu'est-ce qu'il chopperait là-dessus. Je sais pas, mais qu'est-ce que je vais dire. Sandro connaît par cœur. Je la balancerai, elle pointerait vers le soleil. C'est honteux. Attention. Ah non, mais bon. Ah, tu me fais un... La fureur. Un test là, en fait. Allez. Faites aussi. Bien le ouais, pas mal. Donc ça, c'est Willy Lourson. Si j'avais une queue comme mes amis. Et surtout la fin. Je dois trouver une queue, Winnie. Voilà, donc c'est Winnie l'ourson, ça passe sur TF1 le dimanche matin. Nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien magouillé, coupé, ouais. Tout ça. Donc c'est officiel, alors, c'est comme ça. Hein, question c'est... qu'on pose à Toff depuis 3 jours, est-ce qu'elle est sur mon blog enfin? Non, mais par contre le canular de TF1 est sur le site. Ouais, ça nous fait une belle jambe. Oh, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Moi, il faudrait... esquivé, c'est un truc de ouf. Faudrait peut-être mettre la musique. Hein. Donc bref, donc on vous avait passé la Roméo. Ben, je vais le remettre là du coup. Hein. Ah bah, ouais, donc, c'est dommage, sans privé. Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît de toute façon. Donc voilà, tout le monde a reconnu donc la chanson de Roméo et Juliette, mais voici ce que ça pourrait donner si c'était sur la vie d'Amy Winehouse. Il y a un raté. Ah oui, mais enfin bon, alors 3, 4. Sniffer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sniffer, c'est monter là. Kiffer les lignes de coco, sniffer et même de l'héros. Ouais, c'est pas mal, hein. Il faut savoir que dans la vraie histoire, hein, il y a la vraie histoire, je vais y arriver. Roméo et Juliette se suicident à la fin. Ouais. Hein, mais là, si tu le donnes à Amy Winehouse, ça lui fera une bonne excuse pour faire une overdose. Oui, ça c'est pas possible, effectivement, t'as raison. Bon, passons à une autre comédie musicale, L'envie d'aimer des 10 commandements. Alors la VO, ça donnait ça. Ça marche? Tu l'as la VO ou pas? Ah, ça ne marche pas. Non, les 10 commandements, j'ai pas. C'est pas vrai. Ah, bah t'aurais dû me dire. Ouais, c'est super connu. C'est comment ça marchait? Ça marche. On en a parlé hier en plus. Ce sera nous. Ah oui. Nous. De ce soir, demain, faut qu'on se mette d'accord. Ça mais... donne semain. À nous de semain. Donc voilà, donc alors voyons ce que ça donnerait donc si c'était sur la vie d'Amy Winehouse. Je serais saoul dès demain. Je serais saoul dès ce soir. Je veux pas partager. nous donne l'envie de gerber. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas mal, hein. C'est carrément ça, mec. Ah oui, c'est vraiment pas mal, ouais. Avec un peu plus d'entraînement, mais. Et ça, c'est sûr, effectivement. Enfin, ouais, le problème, c'est que les 10 commandements, c'est un peu religieux comme histoire. Hein. Ouais, mais, ouais, je suis ouais. pas sûr qu'un dieu serait d'accord de partager l'affiche avec Amy Winehouse. Faut voir, mais t'as raison. Donc, passons à notre dernière solution, le Roi Soleil. Ah ouais, le morceau être à la hauteur. Une comédie musicale d'énergie. Voilà. Je vais être très content de voir comment. Être à la hauteur. Je me lève jour. Tout le monde connaît quoi. Ouais, ça, de toute façon, ouais, tout le monde connaît. Ouais. Bon, Emmanuel voici Moir. Maintenant la version adaptée pour Amy Winehouse. Ça a raté de nouveau. Ah, bon allez, 3, 4. Ah bah non, enfin bon. Mais c'est les répétitions chaud. De la c'est comédie, hein, on n'est pas fait au point. Hein. Bon, vas-y. Allez. Non, je te rappelle qu'on est défoncé comme Amy. Être une toxico et se faire arrêter. Et tout recommencer. Être une toxico et se faire menotter pour une petite dose LSD et avoir à cœur d'être une toxico. J'ai un peu sauvé la chanson quand même, ouais, les gars. Mais je pense que même dans le chant on est bon en fait. Oui. Attends, un petit message. Pour pouvoir avoir un chanteur, ça nous ferait du bien. Ah, merci, merci. C'est André. Oui, André Manoukian, bien évidemment, qui voulait un chanteur, mais trois ce serait mieux. Ah, bon, on se fait un karaoké ouais. ce soir, les gars. Non, ça va aller. Bon, j'aurais pu faire Cléopâtre avec Amy Winehouse, hein, ça lui ressemble. Ouais, oui, au lieu de Reine d'Egypte, ils auraient fait Amy Winehouse, Reine du shit. Ça, je pense que le roux, il aurait été le voir, ça avait été comédie musicale. Ils savent plus à quoi inventer ces Anglais. Bon, vous pensez que ça va marcher cette comédie musicale ou pas? Oh bah avec un bon bédo, tu peux aimer n'importe quelle merde. Hein. Bon, voilà, donc c'était Amy Winehouse. Rassurez-vous, on n'en a pas fini avec elle. Hein. Il faut qu'on imagine encore comment ça peut se passer, mère. Oui. Moi, et là, je suis curieux de voir les produits dérivés de la comédie. Et ouais. Bon, et allez, restons dans le sérieux, puisqu'il est 21h26 maintenant, et c'est normal, c'est l'heure de mettre le journal. Le faux JT. Nous sommes en août 2019, bonsoir à tous. Politique. Bonne nouvelle, Le Pen pourrait passer la main dès l'automne 2010. Ça va lui changer, lui qui avait l'habitude de la lever. Et politique toujours, c'est officiel, Jean-Luc Mélenchon a un nom de merde. People. Kristen Dunst aurait replongé dans l'alcool. Jean-Luc Borloo a indiqué qu'il voulait bien aller la chercher. Après une interview qui aurait mal tourné, Nathalie Portman serait sortie de ses gonds. Télé. Emmanuel Chien arrive sur TF1 et en prime time. Manquerait plus qu'il interviewe Domenech et c'est la planète des singes. Secret Story, FX a accepté la mission de la voix qui était de se pendre dans le jardin. Mission réussie puisque FX a été déclaré mort à 8h42 ce matin. Félicitations, c'est 200 euros qui viennent compléter sa cagnotte. Voilà. Mickaël, le podcast. Allez, on va se faire le jeu des amis maintenant avec Stéphane qui est là. Bonsoir Stéphane. Bonjour Mickaël, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ouais. Bon, très bien. Je suis pas content de passer à l'antenne. Eh ben écoute, on est content de t'avoir également. D'ailleurs, on salue Alice qui sont sur le chat là, qui trouvait que c'était drôle avec Zizou, l'imitation. C'est pas une imitation, hein? Non, c'est Zidane. C'est Zinedine Zidane, bien sûr. On l'a appelé, là, il est à Madrid en ce moment. Voilà. Ouais, tu nous fais un petit liner. Bon, demandez PZK aussi sur le chat. On va le mettre tout à l'heure, hein, PZK, là, avec les filles adorent. Pour ceux qui veulent voir le clip, c'est sur mikael.fm. Et dites-nous les autres si vous aimez, si vous n'aimez pas, là, 612, débuté par Mikael. Et puis, vous laissez votre message ou alors sur mikael.fm. Et on salue Manon, Mathieu, Angélique, Marina, Victorien, Sofiane, tous ceux qui sont sur le chat, bien sûr. Ouais, les gars, ça va. Bien, comment ça se passe? Ça va, t'as quoi Steph? Je voulais souhaiter une bonne soirée et je voulais vous remercier de me passer à l'antenne. Bah, c'est beau. De rien, bah bonne soirée à toi, merci Steph. Allez, à bientôt. Hein. Ciao. Bien, bonne ambiance, ça va? Ça va, Tex. Bon Steph, donc nous allons jouer au jeu des amis. T'as un Facebook toi ou pas? Oui. Oui, combien d'amis? 197. 197. C'est parce qu'il hésite, ouais. Alors, 197. sais, moi j'aurais dit 200, tu vois, pour arrondir. Donc 197, c'est pas mal. D'ailleurs, continuez à venir sur le fanbook là pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc sur facebook.com, puis vous tapez Mickaël espace énergie pour venir rejoindre le monde de du fanbook, tout simplement. Bon, Stéphane, on appelle qui pour vérifier si il connaît vraiment bien en tant qu'ami, Charles, Pauline ou Fabien? Fabien. Fabien, très bien. Tu l'as connu où? Dans ma classe, il est dans ma classe, je l'ai connu cette année au lycée là. Ah ouais, donc c'est un jeune copain quoi. Oui, voilà, oui. D'accord. Bon, allez, on y va, on l'appelle. On lui pose 10 questions. On y va avec nos candidats maintenant, ouais, attention. Ça va aller, Tex. Je sais pas, il a dû prendre la médoc, il a pas le même bois que d'habitude. Ouais, quel casse-pied, c'est épuisant. Non, bah, ça va. Allô, Fabien. Allô. Oui. Salut Fabien, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Je t'appelle pour le jeu des amis avec Stéphane. Tu connais Steph qui est avec toi en cours? Ouais. Bon, salut bien. Fabien. Bon. Yeah. Alors, Fabien, on va te poser des questions à propos de Stéphane. 10 questions, il faut répondre correctement à 6 d'entre elles. Si tu réponds correctement, c'est gagné. Vous repartez tous les deux avec des cadeaux, d'accord? D'accord. Bon, 6 questions, enfin c'est 10 questions au total. Il faut répondre du tac au tac. Si tu réponds mal, bah forcément c'est perdu, ça tombe sous le sens. Et si tu... Ça veut dire 5 francs à Banque Illico. Tu dis quoi Fabien? Ça veut dire directement ou... Voilà. Ouais, ça veut dire ouais, il faut répondre directement. Si tu sais pas, tu peux passer. Et donc c'est considéré comme une mauvaise réponse également, d'accord? Nous jouons pour une semaine de vacances dans ce merveilleux département, le Jura, cette belle région. Vous connaissez? Non mais même pas, on joue pas pour ça. Je sais même pas pourquoi on joue, mais c'est pas grave, Micha va se renseigner. Bon, allez, on y va, Fabien, attention, une minute, prêt? Oui. Non, ils sont pas prêts. Allez, top. Quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? Je dirais des chaussures arabes là. Oui, des babouches, effectivement, c'est une bonne réponse. Ouais. Mais juste on fait une pause. Steph, qui c'est qui t'a offert ça? Des babouches. C'est mes parents. Ah ouais, il les a payés cher. Ils ont pas eu l'idée à mon avis. Hein. Écoute, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Bah, après un voyage, ouais, c'est sympa, c'est un petit souvenir quoi. Ouais, c'est un petit souvenir, ouais. Bon, allez, on y va, deuxième question, c'est parti. Si tu. S'il devait se faire un tatouage, il ferait quoi et où? Ouais, un tatouage. C'est un poignard dans le dos, hein. Oui, c'est... Un poignard dans le dos. Comment se porter la poisse? Ah ouais. Puis c'est positif en plus, ça c'est cool. Bon, autre question. Est-ce qu'il lui arrive de regarder dans la cuvette des chiottes avant d'avoir tiré la chasse? Bah non, je pense pas. Non, non, c'était de temps en temps. Hein, mauvaise réponse. Eh, oui. S'il était une position imaginaire du Kama Sutra, laquelle est-ce qu'il serait? Imaginaire. Bon, je sais pas, mais la levrette, je dirais. Eh ben non, c'est la levrette espagnole. Alors Stéphane, qu'est-ce que la levrette espagnole? Ben, ah, j'ai une idée. T'as abusé toi aussi là. Vas-y, la levrette espagnole, ça n'existait pas. Non, imaginaire justement, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est imaginaire, mais bon, ouais. Alors, c'est quoi Stéphane, la levrette espagnole? J'ai bien l'idée, hein, je vous expliquerai après. Ouais. Bah, c'est plus. Ouais, c'est en fait c'est logique. Ah, je sais pas, j'ai répondu comme ça sans réfléchir. Hein. Ah, d'accord, t'es un peu con, alors. Moi j'aurais imaginé plutôt donc le sexe entre les fesses, donc sans pénétration, et donc c'est la branlette espagnole, puisque d'habitude c'est mis entre les seins. Ça s'appelle brésilienne. Ah, c'est un nom déjà. Ah, ça s'appelle déjà comme ça. Ils sont cons, pourquoi ils ont appelé ça brésilien? Bah parce que les brésiliennes ont un cul plus propre. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Les espagnols, les brésiliennes, il y avait un rapport. Non. Bah non, t'as dit la mauvaise réponse. Mais c'est pas grave, on continue. Allez hop, on bat le chrono. S'il était une star du X, il serait qui? Rocco? Non, il en connaît pas. Genre, mytho. Ah, le gros mytho. S'il était une fille, avec quelle star est-ce qu'il sortirait? Brad Pitt. Oui, Brad Pitt, bonne réponse. Est-ce qu'il aime l'odeur du parfum de la frite? Oui, je pense. Non, il n'aime pas, non. Est-ce qu'on a besoin d'une précision? On appelle ça la friture, hein. L'odeur de friture. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Tex, je sais pas, tu veux une précision, Tex? Bien. Non, bon, bah écoute, alors tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, autre question, on y va. Il préfère pleurer toute sa vie sans jamais s'arrêter ou se transformer en cafard lors des nuits sans lune? Se transformer en cafard, oui, c'est une bonne réponse. Bravo. Bon, stop. Micha? Qu'est-ce que t'as fumé? Non mais là j'ai élaboré les questions pour ce soir. Il a fumé quoi? Je sais pas ce qu'il a fumé, je viens de lui poser la question. Non mais c'est vrai qu'à choisir autant se transformer en cafard les soirs de pleine lune. Fais pleurer toute ta vie, hein. C'est vrai, ouais. Ouais, je sais pas, hein. Ah, oui, que les soirs de pleine lune, ouais, à la limite, ouais. T'as c'est un vrai. Peu de répit au moins. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu pues le cafard quand même pendant une journée, hein. Ouais, mais enfin, pendant toi, une journée. Ça changera pas grand chose. Bah non, bah si, il pue mais pas le cafard, il pue autre chose. Bon allez, encore une question maintenant. On y va, vous êtes prêts? Prête. Tu joues pas, ça. Ah oui, pardon. S'il était un vêtement, il serait quoi, pardon? Un jean. Un jean, effectivement. Ah, putain, c'est une bonne réponse. Et allez, la petite dernière pour le sport. Qu'est-ce qu'il a raconté comme dernier rêve? Il rêvait qu'il se faisait tuer. Non, pas du tout. Il a rêvé d'une fille avec qui il dansait. Wow. C'est pas mal de danser dans les rêves. C'est pas mal. Mais alors Stéphane, comment ça se passe au niveau de ces rêves bizarres? Tu rêves que tu danses avec une fille. Tu dansais quoi? Oui. Je danse avec la fille en fait, mais j'ai rêvé de ça en fait. Voilà. Mais tu dansais quoi? Récemment. Quel style? Tu dansais quel style? La lambada. C'est la danse moderne en fait, mais je danse. Elle danse du classique et moi je danse la danse moderne. Ah d'accord. Je fais des portées en fait et tout ça. D'accord, ok. Mais ce n'était qu'un rêve. En gros, c'est un rêve. Mais non, il est danseur, il vient de te dire. Je le fais aussi, mais j'en ai rêvé aussi. D'accord, ok. Bon bah écoute, pourquoi pas. Ça va, c'est plus logique de rêver de sa passion que de rêver de ça alors que tu connais pas la danse. Que de rêver de cafard la pleine lune, c'est vrai. Bon bah du coup c'est perdu, 4 mauvaises, 6 bonnes. En fait c'était bien mais dans le mauvais sens. Dommage. Bah ouais, c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Bon bah c'est pas grave, Fabien et Stéphane, vous revenez quand même quand vous voulez, ok? D'accord, mais merci hein, en tout cas. Bah je vous en prie. Tu peux faire une dédicace? Allez vas-y, ouais. Je fais une dédicace à Pauline, c'est une amie à moi, je lui fais un gros bisou et... Je fais une dédicace à Thibaut et toute l'école Béatrice Danse dans laquelle je danse, donc et une dédicace à vous aussi. D'accord, bah écoute, c'est gentil, merci à toi, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, à plus, ciao à vous deux, et si vous voulez vous inscrire au jeu des amis, n'hésitez pas surtout, hein, vous allez sur mikl.fm ou alors tout simplement au 612, vous débutez le message par MIKL et puis vous mettez ami avec votre numéro de téléphone. Bon paquet de rêve, les gants, tout au bain. Voilà, c'est du portugais. Enfin, c'était du portugais, vite fait quand même. Hein, merci, messieurs. Non, mais je t'en prie, ça va bien se passer, y a pas de problème. Mikael, le podcast. Bon, allez, parlons de choses plus... plus dramatiques, oui et non, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire un petit topo du côté de la grippe, puisqu'on avait dit qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient en panique. Et, alors, il y en a qui sont rassurants. Alors d'autres qui sont pessimistes, de toute façon que la Terre elle va exploser dans 3 jours. Et donc en fait c'est... les infos aujourd'hui, donc déjà il y a de plus en plus de contaminés. Oui mais... Ah, ils essaient de nous rassurer. Voilà c'est ça, donc en fait il y a de plus en plus de contaminés, mais surtout dans l'hémisphère sud, puisque c'est l'hiver là-bas actuellement, c'est la fin de l'hiver. Oui, enfin il arrive aussi. Mais là, c'est l'hiver, ouais, voilà, mais c'est pour ça qu'il y en a plus pour l'instant là-bas. Alors le problème c'est que l'hémisphère nord, donc chez nous, on arrive en hiver aussi, donc là oui, il risque effectivement d'y avoir une belle tempête de grippe. Pourquoi les Anglais ont plus de cas que la France? Eh bien parce qu'apparemment, parce que les écoles, en fait, les étudiants en Angleterre ont terminé beaucoup plus tard que chez nous. Et donc du coup, les écoles, c'est quand même un vivier virus. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Et donc du coup, c'est on la merde. On rappelle des poux à l'époque. Voilà, hein. D'où le problème de la France et des autres pays. Quand tout le monde va rentrer en cours, ça va être la merde. Sans compter qu'on arrive en hiver, ça va être la merde. Ok, alors, donc c'est rassurant quoi. Ouais, non, mais alors le point positif, c'est que il y a... c'est ce qu'ils disent, hein, c'est les spécialistes, hein, moi je fais jamais que dire ce qu'ils disent, c'est une grippe, pas de quoi non plus en faire un drame. Oui, mais bon. C'est une grippe, le seul truc c'est qu'elle est plus, elle est pas plus violente, elle est juste plus, comment on dit, mortelle. Non, pas mortelle, elle est plus merde, contagieuse, voilà. Donc il y a plus de gens qui peuvent la choper, et donc du coup, bah forcément, en fait, t'as plus de risques quand t'as plus de 65 ans, quand t'as déjà une maladie. C'est comme la grippe normale. Quoi. Ouais, en fait, c'est comme la grippe normale, c'est juste qu'elle est plus contagieuse, donc du coup, tu la chopes plus. Alors, ils ont juste peur d'un truc, c'est que, bon, la grippe A, elle est arrivée au mois de mai, un truc comme ça, je crois. Un peu avant, avril, et donc. Elle est sortie d'une version bien précise, et en fait c'est comme avec la grippe normale, quand c'est l'été ici, bah, la grippe elle descend dans l'hémisphère sud où c'est l'hiver, elle mute et puis elle remonte quand c'est l'hiver chez nous. Oh là là. Et en général quand elle mute c'est jamais bon. Mais moi je me suis tapé un gros coup de flip là, je sais pas pourquoi, il y a 2-3 jours, donc je suis allé voir quand même les soins et... Ah, t'sais, j'ai peur. T'as bien fait, ça, dit, hein. J'ai un peu peur à chaque fois de ces trucs là, et j'ai vu que donc tu pouvais en soigner en une semaine. Oui, ouais, mais c'est ça. En fait, c'est encore faut-il être dans un pays qui a les moyens. Non, mais bien sûr. Pour l'instant, on l'a pas, hein, même en France. Apparemment, c'est les prochains vaccins de l'automne, si je dis pas. Alors, j'ai vu le titre, c'était le vaccin arrive. T'ouvres l'article. Début octobre. Ouais, ouais voilà. C'est ça. C'est ça, en automne, quoi, début automne. Voilà. Donc, d'accord. Si vous la contractez là, vous pouvez peut-être soit vous attendez un peu avant de mourir. Non, mais c'est le vaccin, mais après tu n'en meurs pas forcément. Comme on a dit, en fait, toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui de la grippe A, c'est celles qui effectivement étaient plus âgées, donc plus faibles. Celles qui étaient faibles parce qu'elles avaient une autre maladie, peu importe laquelle, mais qui avaient déjà une maladie, ou les personnes faibles en règle générale. Aucun français, je crois. Aucun français? Il me semble qu'il y a... Si, si, il y a déjà une... Bien sûr. Qui vivent en France, hein. Si. Il y en a une à Brest, là, c'est la première qui est décédée, mais elle était déjà malade. Tu vois, elle avait déjà. Commence. Mais non, mais elle était déjà malade de quelque chose. Elle a juste chopé un virus en plus qui l'a flingué. Dis pas c'est ça comme... paranomane, quoi. Mais non, mais c'est comme quand t'as le sida, par exemple. Tu meurs pas du sida, tu meurs d'une autre maladie qui vient foutre la merde. Bah, c'est pareil, en fait. Quand t'as effectivement le sida, tu chopes la grippe A. Oui, bon, là, évidemment, c'est. Oui, là, t'as un peu de chance, quand même. Ouais, là, c'est un peu la merde. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut pas s'inquiéter non plus. Et que si vous couchez avec des cochons, mettez une capote. Ouais, voilà. On a, de toute façon, nous, on est sauvés. On a les conseils sur les portes des chiottes. Il faut se laver les mains. Non mais c'est ouf ce branle-bas de combat. En fait, faut expliquer quand on parle dans le micro, devant le micro, il y a un petit mousse. Ah ouais, c'est vrai. Putain. Et en fait, bon, alors dans les rouge, t'es en train de contaminer le micro là. Ah, tout le micro? Bah oui. Bah oui. Ah mais là, la bonnette, c'est pareil, c'est pas grave. Donc ça s'appelle effectivement une bonnette. Et en fait, ce mousse, on nous a proposé ici d'avoir chacun sa petite son petit mousse. Ah ouais, bah ils sont où? T'as reçu un mail disant que. Ah oui, mais je les ai jamais ces mails là. Ils sont dans la pièce à côté. Et alors j'ai entendu dans d'autres radios, c'est carrément encore plus recta, c'est après chaque émission, ils les enlèvent toutes et ils en mettent des neuves désinfectées. Ils ont raison, franchement. Ils ont raison, sauf qu'ici ils ont pas les moyens de faire ça. Bon, ils ont mis tout le studio déjà. C'est vrai, c'est pas mal. Le problème c'est que moi je partage le micro avec Nikos. Le studio restera mais pas les animateurs. Et il n'y a pas de mousse sur la mienne. Ouais, c'est vrai. Sur mon micro, donc. Comme ça, si ouais, un mec est malade, les deux sont malades. Tu peux mettre du désinfectant. Ouais, tu mets une solution hydroalcoolique. Hydroalcoolique. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute, j'y c'est penserai. C'est Nico, ça va. Tu mets de la fétasse à la cisse. Voilà, j'y penserai. Enfin bon. Bon, donc voilà. Donc si jamais vous avez les boules aussi au niveau de la grippe A, vous voulez qu'on en parle ce soir. On n'est pas des grands spécialistes, mais après ça peut être pas mal d'en parler pour peut-être rassurer ou pas justement tout le monde. Il y a les trois joueurs du Stade Français aussi là qui ont été contaminés. Ah ouais, je sais. Ouais. Mais ouais, c'est tendu. Hein. Il y en a plein hein, qui. Il y a un joueur de Montpellier aussi et du club de foot de Montpellier. C'est de Bayonne aussi qui a un rugbyman. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les trois joueurs du Stade Français, ils reviennent dans déplacement à Bayonne. Et c'est comme ça qu'il l'aurait chopé, apparemment. Ouais, enfin, bon. Il la ramène sur Paris, quoi. Ouais, bah oui, en même temps. Mais t'as vu aussi, je crois que c'est au Mexique ou quoi, ils ont carrément dû faire des matchs de foot à huis clos, c'est-à-dire sans aucun supporter de risque de propager le virus, quoi. Ils ont raison, franchement, faut prendre toutes les mesures. Hein. Donc, ouais, mais donc dites-nous si vous voulez qu'on en parle, 6-11-12, débutez le message par Emickel, et puis vous laissez votre numéro de téléphone et votre message sur emickel.fm également. Et Florent qui dit oui, la grippe, ah, j'ai pas envie de mourir, mais comment elle arrive aussi? Bah, c'est un virus, c'est comme la grippe tout court, quoi. C'est une bête grippe, sauf qu'elle est comme plus comme la contagieux. Gastro, c'est pareil, c'est même. C'est un petit peu ça, effectivement. Donc voilà, donc comme ça, vous savez tout. 6-11-12, débutez le message par Emickel et puis sur emickel.fm. J'ai les tirages de Ligue des Champions parce qu'on parlait de football. Là. Ah bah vas-y, fais péter. Ah ouais, vous allez vous marrer. Hein. Ah bon? Ah ouais, on commence ça par. Ça sera bien la première fois en parlant de foot. Hein. Ah mais on commence par l'OM, c'est parce qu'ils vont se faire virer en 2-2 les Marseillais. Alors les Marseillais sont avec le club de Zurich. Ça va, ah oui, ça va, c'est drôle, ça va. C'est les Suisses. Et le Milan AC. Ah oui. Et le Real Madrid. Donc ouais, je pense que l'OM. Je pense que c'est fini pour l'OM. Ouais. Faut voir. Les Bordelais aussi sont mal lotis puisqu'ils sont tombés avec le Bayern de Munich de Ribéry, la Juve et bon là ça va le Maccabi Haïfa. Ouais mais en fait c'est ça, il y a toujours deux bons clubs et deux clubs pourris dans chaque groupe. En fait t'as la première tête de série, seconde tête de série, troisième tête de série et la quatrième, la merde quoi. Voilà, mais donc ils là, sont bien classés en ce moment Bordeaux, non? Bah oui mais ça n'a rien à voir avec le classement français. Là Bordeaux ils sont troisième tête de série dans ce groupe dans le groupe A. Sinon il y a aussi pour les Portugais, il y a les Lyonnais. Les Lyonnais qui sont dans la merde aussi, qui joueront avec Liverpool, la Fiorentina et Debrecen. Debrecen c'est le champion hongrois. Ah d'accord. Je savais pas que la Hongrie avait un champion. Pour ça qu'on connaît pas alors. Ouais voilà. Et j'ai regardé pour les clubs les Portugais. Ah quoi. Alors c'est très drôle parce que dans le club dans le groupe de Porto, le groupe D, il y a quand même la poêle Nicosie. c'est pas une vanne. Il y a l'Atlético Madrid, le club espagnol, et il y a Chelsea. Donc c'est faisable pour Porto. Tout est possible. Et j'ai regardé pour les clubs belges. Ah il y en a qu'un. Non, le club belge. Le standard de Liège. On va jouer contre Nikos. Ouais, contre l'Olympiakos, contre l'AZ Alkmaar, les Hollandais. Ça sera pas très loin, c'est la Hollande, ouais. Et contre Arsenal. Allez. Au revoir le standard. Non, c'est pas dit. Mais contre Arsenal, ça va être compliqué, mais les deux autres, non? Ah oui, non, ils visent pas la première place. On a pas non plus dit qu'ils passeront. Ils visent meilleur troisième, un truc comme ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein, effectivement. Ouais. Bon, bah très bien, c'est tout pour l'info footballistique du jour, Roux. Tu remarqueras qu'il y a qu'un seul club portugais. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Et putain, il y a trois clubs français. Il y a quand même trois clubs français. C'est bien, c'est pas mal. Marseille, c'est pas mal. Marseille est passé. Tout juste. Lyon est passé contre Anderlecht. Donc, c'est vrai. Oui, bah largement même. Ah oui. Ça, c'est pas tout juste, effectivement. Enfin bon. Bon, on va revenir un petit peu sur Amy Winehouse. Hein, yeah. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ouais. Moi, je vais aller me chercher une bière. Ouais, bon, bah, je vois que non, apparemment. Hein. Eh bien, figurez-vous que cette femme qui fait donc la une de tous les magazines People depuis des mois, cette femme qui fait des cures de désintox à répétition, cette femme toujours là, qui il tient à cœur de suivre les recommandations de boire 1,5 litre par jour. Bon, c'est pas trop quoi. cette femme encore là qui aime s'aérer l'entrejambe juste au moment où les photographes passent par là. Bah oui. Et puis cette femme enfin qui a décidé d'avoir des enfants. Mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Bah, et puis elle, ça, elle va les mettre où, elle a pas de corps. Non, j'ai pas dit qu'elle voulait tomber enceinte, elle va peut-être adopter. Ouais, mais en fait, à la limite, il vaut mieux, hein, comme ça on sait que personne la laissera faire. Hein. De quoi d'adopter ouais. Ah, d'adopter. Ah bah ouais, attends. Bah, faut voir, en tout cas. Si elle le fait toute seule, personne peut l'interdire. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'imagine bien comment elle s'en occuperait. Allez les enfants, vous regardez le dessin animé pendant que je vais aller aux chiottes et je reviens dans une demi-heure. Hop, elle allume la télé, mais voilà. Le dessin animé. Si j'avais une gueule, tombe là. Maman, je peux regarder ça. Oui, c'est très bien. Elle lui expliquerait, elle lui expliquerait. Ah ouais, ouais. Entendu. Mais tu n'as rien compris, en fait. C'est juste la bite de Winnie l'ourson. Voilà, mais donc c'est grâce à la société ultra capitaliste dans laquelle nous vivons, évidemment, un studio hollywoodien a déjà profité de la nouvelle pour lancer une super production avec Amy Winehouse en vedette. Attention, écoutez la bande-annonce. Après Arnold Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle, Fonce des productions présente Amy Winehouse dans Une tox à la maternelle. Un film qui va bouleverser les mentalités. Alors les enfants, vous avez fini vos dessins? Je passe voir dans les rangs ce que vous avez fait. Oh, c'est trop mignon! Une pluie de cocaïne qui tombe du ciel. Je te mets un A. Mais non maîtresse, ça c'est de la neige. Alors je te mets un C. Non, c'est trop nul ton dessin. Je te mets deux C. Ça fait CC. Voilà. Et toi Jason, c'est pas mal ce que tu as fait. C'est quoi? C'est un rond. Un rond? Bon. Je te mets un L. Non, un S. Non, un D. Oh, et puis merde, je te mets des trois. LSD. La prochaine fois, tu feras des lignes. Hein? C'est bien ça, les lignes. J'adore les lignes. Une tox à la maternelle, une épopée sociologique et éducative. Maintenant, vous êtes des grands. Il va falloir apprendre à aller au pot tout seul. Qui sait déjà se servir des toilettes? Moi. Alors, Allison, explique à tes camarades comment on fait. Alors, ben, on enlève le pantalon, la culotte. Oui, jusque-là, c'est bien. Mais la culotte, on peut l'enlever partout, pas seulement aux toilettes. Et après? Eh ben, on s'assoit sur le pot. Ah non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on utilise les toilettes. En fait, il faut se tenir les cheveux avec la main gauche et avec la main droite, on se met les doigts dans la bouche. Amy Winehouse, nouvelle star du grand écran, repérée lors d'un casting sauvage dans un bar de la banlieue de Londres. Alors Rémi, comment tu t'en sors avec ta classe? Oh, ça va, je les gère. Je sais pas comment tu fais pour arriver à les faire dormir pendant la sieste. Moi, j'y arrive pas. C'est facile. Tu leur fais boire un grand biberon avant d'aller se coucher et le tour est joué. Mais c'est ce que je fais, mais la blédina, ça marche pas. Tu leur donnes quelle marque de lait au tien? Jack Daniels. Essaye, tu verras. Amy Winehouse, une tox à la maternelle, bientôt au cinéma. Et ça... Attention, l'image risque d'être un petit peu floue. Si c'est elle qui filme, oui. Ça s'annonce... Grandiose. Oui, dangereux aussi d'ailleurs, effectivement. Ouais. Ça fera un super bon film, faut dire. C'est vrai. Il y a un message qui dit, elle lui apprendrait la fameuse culture du shit. Aussi, ouais. Aussi, effectivement. En SBT, ben oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est bon, la culture, au final. On mettra cette bande-annonce, bien sûr, hein, sur mikael.fm et certainnement sur Allociné aussi, à un moment. Ah, ouais. Yes. On l'a pris sur Allociné. Hein. Ah, d'accord. Bah, oui. Ah, très bien. Oui, bon, bah, déjà sur Allociné. Voilà, bon, bah, on la met sur mikael.fm aussi, donc comme ça, vous pourrez jeter un œil dessus. Bon, pour en revenir brièvement au niveau de la grippe, là, moi, j'ai eu la grippe A en Espagne et franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu es juste faible pendant 7 jours. Bisous à toute l'équipe, c'est Mégane. Tiens, laisse ton numéro de téléphone, Mégane, qu'on essaye de te rappeler pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, hein, pour qu'on en parle surtout, un petit peu. Comment tu t'es soigné? Comment tu t'es soigné, effectivement. Parce qu'en Espagne aussi, ils ont des médicaments qui sont interdits en France. Hein. Non, mais c'est des barbares là-bas. Moi, je me souviens un jour, j'avais un gros rhume, en fait, si tu veux. Et donc, je leur demande le sirop le plus fort qu'ils ont. Il m'a juste fait vomir, tellement il y avait de l'alcool dedans. C'est impressionnant, ouais. En fait, s'il y avait de l'alcool, ça va, tu étais content. Ah ouais, mais c'était trop. Ah, trop quand même. T'es sûr que t'as été dans une pharmacie, Jack? C'est un truc de... je t'explique, le sirop il est descendu et deux secondes après il est remonté, quoi. C'est vraiment, ça a été fatal. C'était parce que t'étais malade, justement. Par contre, on sortait d'un bar avec Jack, ça c'est vrai. On était à Barcelone et j'ai demandé un spray pour la gorge parce que je souffrais de la gorge. Bah en fait après j'ai eu l'impression de perdre mes cordes vocales parce que ça avait anesthésié toute la gorge. Je la sentais plus. Même tu me le faisais goûter, je me souviens. Au moins t'avais plus mal. Ah non, ça j'avais plus mal, je sentais plus rien. En fait, il avait l'impression que sa tête flottait. Ah ouais, mais c'était vraiment et que le corps était en dessous quoi. Et qu'il n'y avait rien au milieu, c'était bizarre. Ah non, ils sont bizarres les médicaments là. Bon, message qu'il dit aussi, la grippe A, c'est pour lancer une polémique, alors s'il vous plaît, n'en parlez plus. Oui, non, enfin, il faut quand même se tenir un minimum informé pour voir. Quelle polémique. Attends, c'est quoi? Où est-ce qu'il est, merde? Mon collègue de boulot est parano et la direction va interdire... Et la direction va interdire la bise le matin pour limiter l'absentéisme. C'est Rémi de Lille. C'est bien. Il y a un maire aussi dans la Sarthe qui a décidé de faire une loi qui interdisait aux gens de cracher par terre, justement pour éviter la propagation de microbes. Et alors le mec, il a été super loin, c'est-à-dire qu'il a envoyé un courrier à Monsieur Escalette et Monsieur Platini, à savoir le président de la FIFA et de la Ligue de football française, afin de faire en sorte que les footballeurs n'aient plus le droit de cracher sur les terrains et que s'ils le fassent, ils aient carton jaune et carton rouge. Ah oui, d'accord. 38 euros l'amende dans le village de la Sarthe, tu craches. Ouais, c'est vrai, il faut faire attention si vous êtes par là. Et puis un message qui dit Christelle de Paris qui dit: moi, ce qui me fait chier avec la grippe A, c'est pour le métro où c'est facile de la choper. Ah bah oui, ça a toutes les concentrations où il y a du monde, évidemment. Il y a Rémi qui est là, 27 ans de Lille maintenant. Salut Lillois, salut Rémi, comment ça va? Salut tout le monde. Salut. En forme. Très bien. Ouais, bon. Et Lille qui joue au foot ce soir aussi contre Genk, non? Ouais, c'est fini. C'est fini? Je sais pas, mais je suis pas du tout. Ils ont gagné 4-2. Les Lillois. Lille. Bah oui. On sait pas, je demande. Très bien. Bon, Rémi, alors tu voulais parler de la grippe A, toi? Qu'est-ce qui... Tu l'as déjà chopé? Ouais, t'as peur? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, enfin, je flippe un peu, mais à cause d'un collègue, en fait, qui est complètement parano. Ouais. Sa sœur, elle est infirmière. Ils ont tous reçu là-bas, dans l'hôpital, le vaccin en prévention. Et lui, il l'a fait aussi, du coup. Je croyais que le vaccin, en fait, il était pas vraiment préventif. Bah, c'était... C'est le prévenard, en fait, ça s'appelle. Ah oui, c'est le prévenant qui prévient pas. Voilà, c'est celui qui protège la pneumopathie. Ah oui, en voilà, fait, c'est ça. On parlait de la pneumopathie et pas de la grippe, comme un peu tout à l'heure on parlait avec le sida. D'accord, voilà, donc il y a un vaccin, voilà. On peut le faire, on peut aller chez le médecin alors. C'est pas un vaccin pour la grippe et c'est pas sûr à 100%, tu peux que ça peut marche, peut-être ouais. Te choper la grippe aussi. Ouais. Voilà. Mais après, vas-y. Lui, il est complètement devenu parano, il nous emmerde avec tout ça. Et il a son gel, en fait, pour les mains, là. Il nettoie à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui serre la main, à chaque fois, il nettoie ses documents. Autant passer la main. Ouais, tant qu'à faire. Tu dis bonjour de loin, la tête retournée pour être sûr de ne pas postillonner sur lui. Voilà. Et puis, on a le comité d'entreprise, en fait, qui se réunit là bientôt. Et entre autres, ils vont décider dans les mesures préventives de savoir s'ils interdisent ou pas, en fait, de se faire la bise le matin. Il risque d'imposer ça, en fait. Ouais. Mais je trouve que c'est pas mal. Hein. Ton avis là-dessus, toi, tu trouves ça débile ou pas? Disons qu'il y a tellement de communication, nous, dans la boîte, que ça nous met la pression et on stresse, quoi. Donc on se dit, pourquoi pas. Et en Chine, là, j'ai vu, c'est à l'école, en fait, ils vont prendre la température de tous les gamins tous les matins. Oh là là. Dans les écoles. Ouais, mais les nourrices, les gamins, c'est pareil, ils sont plus fragiles. Et c'est voilà, tous les gamins. Ouais, exactement, j'y ai pas pensé, mais effectivement, enfin, j'y ai pas pensé. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, les enfants et petits-enfants, effectivement, sont plus. Les vieux aussi. Hein. Et les vieux aussi, ça, je l'avais dit tout à l'heure, ouais, ont plus de risques, évidemment, de choper ça, ouais, c'est clair. Bon, merci Rémi d'être passé. De rien. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Ça marche, merci. Allez, beaucoup. À bientôt. Bonne ciao à toi. Ciao. Salut Rémi. Mickaël, le podcast. Revenons à notre blind test spécial tube de l'été pour jouer. Il y a Laurine qui est là. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Comment salut. Vas-tu? Salut. Ça va bien et vous? Bon, oui, ça va bien. Ouais. De l'autre côté, il y a Sylvain qui est là. Comment ça va, Sylvain? Salut Mickaël, salut à toute l'équipe. Bon, salut à toi Laurent. Salut à toi Sylvain. Oui. Il fume un peu la paille, non, en Belgique? Non, mais ça va, c'est une y a coutume. Pas que la paille, je te rassure. Non, mais on faisait ça hein, en maternelle voilà. Aussi. Hein, c'est le carnaval, c'est le bonhomme du que tu... Moi, je me rappelle, on le brûlait aussi hein, dans la cour. Car... Ah, tu vois, ah oui, bah oui, mais t'habites pas les voitures. Ah oui, t'habites à Pierrefitte. Bon, alors on va prendre la voiture du prof, on va dire que c'est l'été. Non, on prenait. Bienvenue l'été. Mais pas du tout, on prenait un vrai mec, hein. On faisait quand même. Ah, c'est ça, c'est encore pire. Ah, c'est ah oui, c'est vous. Ouais. Ouais. Non, bon. C'est pas nous, non. Pas bon. Sur ce coup-là. Vous. Laurine. Non, c'est, oui. C'est, vous parlez de la pucelle, non, Jeanne d'Orléans. Voilà, voilà. Ouais, ben non, t'étais trop c'est jeune. C'est les Anglais. Bon, Laurine, t'appelles du 64. Sylvain, ouais. T'appelles du 09. Ouais. Vous n'êtes pas contaminé par la grippe ? Non, pas alors, du tout. Non, bon, alors ça va, tout va bien. Bon, attention, petit blind test maintenant. Alors évidemment, Sylvain aura plus de chances de trouver puisqu'il est plus vieux que Laurine, mais ça veut rien dire. Hein. Voilà. T'es fort dans les années 80, 90. Ouais. Bon, et un peu 2000 aussi au final. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques-uns des tubes de l'été. On joue nous ou pas ? Moi, je regarde pas les réponses. T'es sûr que tu les as pas vus déjà ? J'ai vu les deux premières, mais je m'en rappelle déjà plus. Bon bah moi je retourne ma feuille et je joue aussi alors. Ouais c'est ça. Par contre toi t'as bien regardé toi. Ah ouais, elle va regarder discrètement là. Non pas du tout. Si t'as fait ta main en train de lever le papier, c'est incroyable de tricher comme ça tout le temps. Bah moi je triche par contre, je regarde la réponse. C'est ça ouais. Bon allez, première chanson, Laurine, Sylvain, attends, il y a que eux deux qui jouent. Est-ce que... Ah il y a que eux deux qui jouent. Ah on ouais, joue non. plus. Oui parce que vous allez me faire de la merde là. Est-ce qu'il faut trouver quoi? Il faut trouver l'interprète, le bah, nom de la bien chanson, faire les deux ou, mais. Ou l'année de truc. Ouais on, bah l'année. Ouais, on s'en allez tu sais quoi hey, alors... Si tu trouves les trois t'as trois points, si t'en trouves deux t'as deux points, si t'en trouves un t'as un point. Voilà. Bref là les calculs. Si je puis me permettre, oui. Je viens de voir les réponses et Roux il aurait tout gagné. Voilà mais toujours pas. Ah, allez on y va. Laurine, Sylvain, première chanson. T'aurais tout écoute. Trouvé. Ouais. Ah ça j'adore. C'est facile. Laurine. Faut l'étirer. Non. Il y a qu'à danser. Et ouais, tu connais ouais. Le nom du groupe? Non, je me souviens plus. L'année? C'est 82. Allons, 87. Donc ça fait un point. Écoute, écoute. De la guerre ce soir. Allez. Non, pour une fois Jean-Michel. Hein. Eh putain, franchement, tout doux, tatitaï quoi. C'est là que tu vois que c'était en 1987, tu ferais ça en 2009, on te brûle comme le bonhomme hiver. Là. Ah ouais, ça c'est pas il faux. Les paroles. Une petite parenthèse, Roux, si je disais que t'allais tout trouver, tu comprendras après pourquoi. Hein. C'est bon. Un truc de beauf. Allez, deuxième extrait, ça c'est facile. Laurine. La lambada. T'as une idée de la chanteuse, du nom? Non. L'année de sortie? Personne ne se rappelle de son prénom. 92. 92? Non, juste avant ça. À l'époque, mon père avait une BX Sport. Oh bah, alors là. Ah ouais, ouais. Non, bah, c'est pour vous dire que ça date. Hein. Bon, Kaoma avec la lambada, et c'était Kaoma. En 1989. Il y avait aussi Chico et Roberta, vous vous rappelez? Non. Ah non, non, là, ah, non. Petit métis avec la blonde là. Et déjà qu'on fait un blind test ringard. C'était des enfants test. Qui chantaient. Donc faudrait éviter que nous les animateurs on sorte des références culturelles par rapport à ces encore plus ringard que ce ouais, ouais, parce que là c'est quand même bien ringard déjà. Hein. Bon allez, chanson suivante. Attention, vous êtes prêts? Prête. Pour l'instant ouais. C'est un partout. On y va. Et c'est le nom du chanteur? Non, je l'année de sortie? Je savais même pas que c'était lui. 91. Ah non, 90, dommage. C'était Charles Lewis. Les noms, c'est vrai que c'est difficile après. Ouais, ouais, ouais. Bon, et Charles Lewis, c'est quand même les gros escrocs, quoi. C'est-à-dire, c'est les mecs qui ont voulu faire une nouvelle version de la lambada. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Bon, moi, j'aurais trouvé. Oh, c'est mieux, moi, je les aurais trouvé sauf la dernière, là. Mais bon, bref. Bon, on y va. Attention, enfin la dernière qui arrivera en fin de blind test. Hein. Oui. On y va. Ça fait 2 pour Sylvain et 1 pour Laurine. Ouais, je lui laisse de la marge. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Mets de l'huile. Facile. Mets de l'huile. Sylvain, mets de l'huile, Kong. Mets de l'huile. Et c'est qui chante? Et putain, c'est un groupe toulousain, c'est... Non, c'est pas Zebda, hein. C'est allez. Un bonbon, c'est ouais. Un bonbon. Quelle année de sortie? Si, c'est un bonbon. Mets de l'huile, c'est 96, 97. Ah non, là, t'es fou, toi, 93. Ah ouais, c'est 93, réglisse, mets de l'huile. Réglisse, voilà. Ouais. Réglisse, bon, c'est vraiment ça fait, une merde. Ça fait 3 points pour Sylvain, 1 pour Laurine. Alors c'est bien de laisser de l'avance Laurine, mais il faut démarrer un moment. Je suis seul à trouver que le reggae en français ça sonne ridicule ou... Attends, bon, ça allait encore réglisse, mets de l'huile hein, à l'époque. Hein. Pierre-Paul Jacques aussi qui était pas mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, non mais Ragasonic aussi. Ah, ouais, bon, c'est pas pareil. C'est, bon. Vrai, c'est vrai que c'est bien. Ah, c'est... Mais il y avait Zebda. Mais, ah mais c'est pas du reggae, c'est pas du reggae. Non, c'est oui. De la country, tombe la chemise. Douzaine, quoi. Tombe la chemise. Bon allez, suivant, écoutez bien. C'est country tout le monde. Oh ça se passe. Laurine. La Macarena. Et le, t'as le nom du chanteur, enfin le groupe? Je sais pas. Et l'année de sortie? L'année 89. 89, oh, ah, non. 95, c'était Los Del Rio. Macarena. En fait, c'est devenu beauf à partir du moment où tous les gens ont commencé à la danser et à avoir tous la même chorégraphie. Ouais. Quoi. Et quand avec tu partais, main, là, il n'était pas bon de partir en vacances en 95. Et jusqu'en 98. Voyais... Hein. Ouais, ouais, dans tous les clubs, tu les voyais. Il mettait les bras à gauche, les bras à droite, c'était horrible. Michel, peut refaire la chorégraphie. Ah, attends, Michael. Vas-y, Michel, fais la chorégraphie pour voir. Hein, Macarena, il l'a fait, hein. Il la connaît hein, en plus, voilà. C'est dingue. Hey, Michael, c'était horrible. Ouais, ça. Sylvain. Il y avait une excellente parodie du 6-9, Macaravan. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est pas le 6-9, hein, je crois que c'était à l'époque Robles. Ouais. C'est le Festival Robles. Ouais, c'était Robles, le Festival Robles. C'est vrai. Bon, allez, attention. Ça rajeunit pas. Hein. Ah non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ça c'est pour vous. Ça fait 3 pour Sylvain, 2 pour Laurine. On y va, suivant. Ouais. Oh. Laurine. Ozone, t'as le titre? Noma. Tu peux quasiment tout rattraper là. Si et l'année 99. Oh là là, non. T'es ouf toi. Non, ça fait. C'était Ozone avec Drago Steidintei et c'était en 2004. Ouais, pour le coup celle-là c'est sûr c'est la pire de toutes quoi. Bon, tu sais, moi j'avais qu'une mal. Seule angoisse avec cette chanson, c'est que tous les Roumains un petit peu partout sur Terre se sentent un élan patriotique qui se raconte tous d'un coup. Mais ça s'est pas passé. En 2004 il n'était pas bon partir en vacances non plus. Ah non. Il était dangereux même pour et même oreilles. Deux ans après encore. Ouais, parce qu'après les gens ils dansaient sur les ailes de l'avion et tout pendant qu'ils décollaient. Je me souviens, elle avait traduite la chanson, ça voulait rien dire. Ça veut dire quoi? Oh, je me souviens plus, mais ça voulait rien dire à l'époque. Je suis venu avec mon cheval, c'était un truc complètement. C'était n'importe quoi les paroles de cette chanson, c'était n'importe quoi. Mais comme beaucoup de chansons hein. Ouais c'est vrai, mais c'est là c'est vraiment hein. Pour le coup Umbrella de Rihanna c'est un super morceau, ouais, mais elle parle de son parapluie quoi. C'est, en fait t'appellerais ça, je sais pas moi, Christiane avec parapluie. Non, ça aurait pas ça, le pareil avec Rihanna avec Umbrella. Ça dépend la gueule et le cul de Christiane après. Ouais enfin même hein. Même. Si je te confirme ce serait différent. Bon allez, pour départager puisque t'as réussi à remonter Laurine, ouais. Pas mal. C'est celui-là que j'aurais pas trouvé personnellement hein, celui qui arrive là maintenant, écoutez. C'est... Laurine. Coup de boule. T'as le nom du groupe? Non. L'année de sortie? 2003. Non, 2006. Ah. 2006. Et effectivement, c'était coup de boule et le nom c'était la plage. C'est forcément après la Coupe du Monde, c'est pas en 2003. Bah ouais. Bon. Et puis là, je pense qu'on a quand même touché bien oui, fond là, de la chanson ouais. D'été. Ah, non, là, c'est fait pas le pire. Hein. Excuse-moi, mais Ozone juste avant. Et la Lambada. Oh, mais ça va, oui mais la Lambada ça a 20 ans pratiquement. Ah, oui c'est vrai qu'après ça a 20 ans, ça a 20 ans. Ah, depuis coup de boule, donc ça fait 3 ans, il n'y a pas de tube de l'été. Donc moralité, merci Zizou quoi. Ouais. Ouais, si il a fait. Il y a la queue de Winnie maintenant. Ouais, ouais, termine. La tube de l'été c'est ça. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. Bon ben Laurine. Oui. On l'a frappé, ouvre la porte. C'est qui? C'est Winnie. Voilà, va ouvrir, c'est Winnie l'ourson derrière la porte. C'est vrai qu'on a oublié un morceau. Quoi? Le morceau, je crois qu'il est sorti l'année d'après de la Macarena ou la même année. C'était comment ça pour pas ça pour ah oui, c'était les paroles, c'était pata, ça te pata. Coûte ça te coûte un sac poubelle. Ça te coûte un sac. Attends. Poubelle. Comment ça s'appelait encore ce truc là? Je sais pas, c'était horrible. Patata. Ouais, mais pago. Aku patata. Attends quoi, pago avec matata? Ouais. Vas-y, tape-le sur YouTube là. Je crois que c'est ça, c'est pago. Je crois hein. Attends, je crois pas que c'est pago. Tape, ça te coûte un sac poubelle. Pata pata. Ah, tu nous écoutes en streaming? Ah merde, oui. Attends une seconde, excusez-moi, petit détail technique. Non mais j'avais la webcam, mais il y a le son en même temps. Le mec sur narcissique, oui, je m'écoute plusieurs fois dans la même émission. C'était quoi le titre? Ça te coûte un sac poubelle. Mais non. Pata, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, il y avait les Terrio aussi avec Choupetta. Eh, la Choupetta. Ah, ça c'était naze. Ah, la trio. Ouais, pata, ouais, mais pata. Ils étaient trois. Les trois. Hein. Ah, mais c'était les mêmes donc. Oui. Non, c'est Myriam Makeba, Pata. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est ça tu... Ça, poupou, pas ça. Non, bah... Ah, mais ils sont vieux. Hein. Ah non, c'est l'original. Ça, c'est la version originale, ouais. Écoute, ça te coûte un sac poubelle. Vas-y. Attends une seconde, je l'ai plus là. Mais tain, ça avait été repris par qui là? Tant pis, je sais plus. Bon, si vous avez une idée, dites-nous, hein, 6-11-12. Mais vous êtes le message pas obligé par de l'envoyer. Non, non, non, non, surtout n'envoyez pas, mais par contre, dites-nous juste qui avait repris. Tu pourras mettre en son de la cave. Non. Mais je l'avais dit, c'était qui que j'avais dit là de suite? Pago, mais c'est Pago. C'est pas Pago Pago, c'est pas possible. Pata Pata. Pata Pata. Pago Pata Pata. Putain, t'imagines les pauvres mecs qui devaient annoncer ça dans les radios. Il y avait, bah... Ah oui, non, c'est bon. Tu l'as fait, Jack. Oui. Ouais. La SketchUp aussi. Il l'a fait, ouais. Et la ah bah oui, la SketchUp de la song. Ouais. C'est Kumba Gaolo, Pata Pata. Voilà, Kumba Gaolo. Kumba Gaolo. On l'a annoncé, on l'a même voilà. passé et vous étiez là aussi. Hein, Dragos Taïguntaï. Ah oui, celle-là, oui. Non. Et la SketchUp non. aussi. Oh, c'était horrible. Non mais attends, écoutez bien, ça te coûte un sac poubelle. Attention, écoutez. C'est pas tout de suite, écoute. Oh attends. Oh, qu'est-ce que c'est pire pour ce truc. Attention. Ça te coûte un sac poubelle. Je pense qu'il y a un moment où il faut pouvoir s'arrêter. Oh, il aurait fallu arrêter il y a 10 minutes. On n'aurait pas dû commencer, je pense. Bon, Laurine et Sylvain, je vous fais des gros bisous et on va vous faire gagner tous les deux, hein, parce que c'est pour... Okay. Parce que c'est pour le... C'est le soutien moral. Là, le soutien moral. Ouais, parce qu'on s'excuse, on voulait pas faire ça à la base. Il y a des psychologues qui vont vous reprendre en tête. Oui, oh, tu parles, Micha. Bon, allez, salut tous les deux. Bisous, bonne soirée. À bientôt, ouais, je vous embrasse. Mickaël, le podcast. Bon, et il y a une grosse info là qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Le roi a encore pété. Non. Ouais, non. D'après une étude, les étudiants français sont les plus nuls en anglais. Ils sont même capables d'être les plus mauvais en français donc. Oui oui, c'est vrai. Bon, c'est dans Talimatin en fait avec William L'Emergie, qu'on aurait pu dire aussi l'énergie. L'Emergie. Voilà, tout simplement. En fait, ils ont parlé de cette info et le journaliste nous montre qu'il n'y a pas que les étudiants qui ont du mal avec l'anglais. Les étudiants français sont toujours aussi nuls en anglais. Mm-hmm. C'est le bilan mondial du fameux TOEFL, le Test of English as for the foreigners language. Bien. Comment il peut vanner le mec. C'est ça. Les profs qui bafouillent. Ah, ouais. Quoi que c'est pire. Ouais. Franchement, je crois que c'est pire. Il voulait dire quoi en fait le mec là. Il voulait dire Test of English as a foreign language. C'est TOEFL. Vas-y, TOEFL, essaie de dire Test of English as a foreign language. Test of English as a foreign language. Pas mal. Ouais, vas-y Sandro pour voir. Oh non. Ah si. Test of English of the foreign language. Oh, là. Ça c'est ouais. pour faire genre SM et non. Ouais, c'est ça. Bon, on se le réécoute vite. Oui, réécoutons-le. Ouais. Les étudiants français sont toujours aussi nuls en anglais. Mm-hmm. C'est le bilan mondial du fameux TOEFL, le Test of English as for the foreigners foreign language. Bien. Bon. Le problème c'est que tu fais ça, franchement tu peux dire à William L'Emergie, écoute William, bon c'est bien, l'émission est sympa, mais vu comment je me suis mangé, je peux pas faire la chronique quoi. Bon, j'ai récupéré un petit texte de Shakespeare là, on va vérifier si nous aussi on est mauvais en français. Sandro, tu commences? Oh bah oui. Bon, si tu veux je fais la première phrase, tu fais les autres. D'accord. Bon, très bien. The sun for... Je pense que c'est mauvais en anglais. Qu'est-ce que j'ai dit? Mauvais français. Ah oui, en français, en anglais. Ah pardon, deux, oui. Ah oui, autant pour moi, it's my mistake. Oui, c'est, on est mauvais en français aussi, non, ça passe. Bravo. Ah oui. Eh, quand même, ouais, tu veux dire... t'avais raison, c'est en français qu'on est mauvais. Qui veut dire j'ai soif. Ah, parfait. Bravo. On est au top dans l'anglais. Ouais. Hein. Allez. Bon, du coup, j'ai fait ma phrase en anglais, tu peux faire la première, Sandro. The sun for sorrow will not show his head. He's dead, il est pas mort. Hein. Oui, non, c'est... His head. Voilà, c'est la tête. Pourquoi tu fais The sun for sorrow will not show his head? Parce qu'il faut aspirer le H. Oui, enfin bon, il y a un moment... Ah là, tu l'as avalé. C'est-à-dire que tu l'as flingué le H. Hein. Bon, Toff, la suivante. En plus, elle est facile. Ah, c'est la pire. Go hence to have more talk. Mais vas-y, mais n'en rajoute pas non plus. J'en rajoute pas. Ah, t'es vraiment mauvais. Non, non, en fait, là, il mitonne parce qu'il parle anglais d'une autre manière. Ouais. Quand on l'entend parler anglais, il parle bien anglais, mais... Il a un accent british. Il a un accent british insupportable. J'ai envie de lui mettre des claques quand j'entends parler. Quoi, tu veux que... Coherence to have more talk of these sad things. Ah mais là on pourrait t'en mettre une patate même. Bon, Roux, vas-y la suivante. Oh, moi je fais la toute dernière. Bah c'est pas grave, tu feras les... Non, on va te faire foutre. Fais la suivante. Elle est bien la dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Some shall... Non. Some shall be pardoned. C'est pas fini, Roux. And pardoned. Some... Pardoned. And some punished. Peniste. Mais j'ai le nez bouché. Allez, en vrai, c'est ça. Va. C'est ça, ouais. Oh, si, bah, tu vois. Bon, bah Pedro est là, vas-y, fais l'avant-dernière. C'est quoi? C'est l'avant-dernière. For never was a story of more who. For... Moi, je la raconte, Jack. For never was a story of more who. C'est quoi, who, ça veut dire quoi? Je passe un vieux mot anglais. For never was a story of more who. Ouais, who, très bien. Et la plus compliquée pour Jack? A Dentist of Juliet and a Romeo. Ouais, c'est dur, hein. Et en plus, c'est la plus facile, c'est nul. Ouais, écoute, qu'est-ce que c'est vrai, je propose que tu refasses tout le texte. Non, ça ira, c'est bon là. Donc, comme on a pu... vieil anglais, bon, faut le dire comme avec on a l'accent anglais. Ouais, avec l'accent british. Comme on a pu le voir, c'est donc la pièce d'Hamlet qu'on vient de jouer. Tout à fait. Est-ce que tu saurais le faire, Jack, lire ce texte-là, mais avec l'accent de Ping et Pong? Dutton for Toro will not tow it head. Go on to have more talk of the tatting. Accent flamand. Some shall be pardoned. Non, ça c'est bruxellois. C'est belge. Ah oui, alors dans le flamand d'office. Some shall be pardoned and some punished. Accent for... belge. For never was the story of Moru. Hein. Ça, c'est meilleur. Le meilleur, c'est l'accent belge. Tandis ouais. Of Juliette and Romeo. And Romeo, oh, ouais. C'est sexe. Bon, s'il y a un auditeur qui maîtrise l'anglais, là, ça serait bien qu'il nous appelle pour nous donner des conseils pour bien parler l'anglais. Voilà. Et ça tombe bien, comme c'est la rentrée, on va pouvoir réviser. Ah bah oui, hop là, comme ça, on fait une pierre deux coups. On aurait pu faire un autre truc aussi. On dit souvent que pour avoir l'accent anglais, il faut parler comme si on avait une pomme de terre chaude dans la bouche. Non, ça, c'est pour parler avec l'accent anglais, ça. Non, anglais. L'accent anglais, ouais. Avec l'accent anglais. Hello. Vous avez pas de pomme de terre chaude. Ah ouais, c'est vous vrai, putain. Pas. Ouais, mais c'est horrible l'accent anglais, hein. Je sais pas. Ah ouais, mais tu tiens mieux, c'est vrai comme ça. Bon, on va prendre Anthony maintenant pour le chéri, je t'ai fait cocu. Salut Anthony. Allô Anthony. Non, Anthony n'a plus envie de jouer avec. Anthony, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui. Très bien. Where are you, Anthony? Anthony, I'm in the kitchen. Oui, oui. Where are you? I'm fine, thank you. Ok, eh ben t'es écoute, ça va, ça va. Je vais bien, ouais, ça va, ouais. Demande-lui, where are you? Il va te dire, je suis à Paris. Anthony? Oui. You speak very, very bien anglais? Non. Putain, on n'avait pas remarqué. You speak very well, but you understand very bad. Tout à fait, j'ai bu un coca il y a deux minutes. Oh, c'est pas mal ça. À peu près. Bon, Anthony, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu? Ouais, ah oui, là je suis prêt, ouais. En anglais? Are you ready? Only. Yeah. I cheated on you. Are you ready? I'm ready. Très bien. C'est pas gagné. En anglais ou pas? Non, bah ouais. Non, pas le faire en anglais. Mais non. Mais si. I have an affair. Il aurait pu se taper une meuf anglophone. Ah ouais, ouais si. Allez, Sandro, vas-y. Je suis pas arrivé avec ça. Ok. Non, aux États-Unis. Ah non, t'es pas allé au. Mais tu sais très bien, quand je veux faire l'accent américain, je fais l'accent de Guadeloupe. C'est bien fait l'accent de Guadeloupe, c'est pas grave. De toute façon, gentil, il parle anglais aussi. Anthony. Hein. Oui. Anthony, tu voulais donc piéger ta meuf. On va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu, c'est parfait. Comment s'appelle ta meuf? Mélissa. Mélissa, d'accord, ok. Bon, donc t'es tombé sur une meuf, une américaine. Qui s'appelle Jennifer. Non, c'est américain. Ah si, Brenda. Ah oui. Bah, Jennifer, ouais, mais Jennifer, il y en a ici, il n'y a pas de fille. Oui, mais ça passe partout, Jennifer. Brenda, c'est un peu... Brenda. Bon, sinon, il y avait Colin. Connie. Connie, oui. C'est bien. Non, je refuse de m'appeler Connie. Connie, c'est parfait. Sinon, il y avait Connie. Vas-y, je m'appelle Connie. Voilà. Bon, Anthony, donc on y va. Tu es censé avoir rencontré où, Connie? Une soirée entre potes. Ok, d'accord, donc elle est venue, une américaine, tout ça. Voilà. Tu viens de LA. LA. Hein? LA, wow. Si elle me demande de parler, on est très mal, hein. C'est fait. Oh, dear. Elle parle anglais ou pas? Elle parle anglais, ta copine? Non, pas trop, non. Ah bah très mais bien, parfait. Je pense qu'elle veut comprendre, ça se passe partout. Ouais, non, mais c'est parfait, c'est parfait. T'inquiète pas, bon, tout le monde comprend. On y va, on l'appelle, tu lui dis bien sûr que tu l'as rendu cocu, ou plus elle s'énerve, ou plus tu gagnes des cadeaux. Si elle pleure, c'est perdu. On y va, ok? Ok, d'accord. Allez, c'est parti, bonne chance. Je fais pas l'accent, c'est grillé. Hein. Ah, si, il faut faire l'accent. Elle va crier direct. C'est pas grave, fais l'accent. Elle va utiliser toujours les mêmes mots, son nom. I'm sorry. Hein. Mais fais la requin, oui. Qui parle français, sinon. Bébé, c'est moi, là je t'appelle, donc, comme je t'avais dit sur le message. Là. En fait, c'est pour te dire quelque chose, là. Enfin, c'est plutôt important pour moi, mais pas pour moi. Enfin, pour toi, mais pas pour moi. En fait, il y a à peu près un mois et demi de ça, là, quand j'ai fait la sortie entre potes, mais en fait je t'ai trompé quoi, donc voilà, donc c'était pour te le dire, mais voilà, je sais pas comment te le dire, donc voilà, je veux savoir. Quand t'as fait ta sortie avec les potes, tu m'as trompé, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça fait donc à peu près un mois et demi, ça fait donc un mois et demi que je la vois en plus de toi, voilà. C'est une blague ou quoi là? Non, c'est une américaine là qui a un copain à ramener là qui s'appelle Connie, là. Voilà, donc elle a 26 ans là, oui. Elle vient de l'aider, et puis voilà. On s'est rencontrés là-bas, et puis depuis, eh bien, on se voit. Il a dit Colline, voilà. Ou Colline? C'est-à-dire Colline. Pendant un mois et demi, tu t'es foutu de ma gueule, c'est ça? Ouais. Oui, à peu près, oui. Un peu près, ouais. On n'est pas, pas totalement. On n'est pas à jour près, quoi. Je sais pas, je sais pas comment te le dire, quoi. C'est-à-dire pendant un mois et demi, tu t'es vidé les couilles, en fait. Tu t'es servi pour un vide de couilles, c'est ça? C'est ça, ouais. Un peu près. Ça, ouais. Tu t'es souviens de ma gueule, Anthony. Quel chien. Ouais, ouais. C'est-à-dire tu préfères gâcher 3 ans de notre vie et détruire nos familles, tout ça pour une pétasse. Le bâtard, il a des enfants. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Non, mais dis pas que c'est une pétasse. Non, non, elle est super gentille et pour tout. Toi, c'est une pétasse. Pour moi, c'est une pétasse, d'accord? Je vais te dire un truc, Anthony. Non, je vais te dire un truc. Quand je vais te revoir, tu vois la claque dans la gueule que tu vas te prendre. Eh, vas-y, vas-y, vas-y, Connie. Tu vas voir la branlée que je vais lui mettre. Je te jure, Anthony, tu vas voir. Tu veux jouer? On va jouer. Non. C'est qui parle derrière là? Sherry. C'est personne. Sherry. C'est personne qui parle derrière. Non, c'est qui parle? C'est qui parle derrière là? Déjà c'est elle qui parle derrière. C'est ta pétasse qui est derrière? Passe-la moi, vas-y, passe-la moi. Bah non, je te la passe pas, non. Bon, ouais. Tu veux jouer, Anthony? On va jouer, d'accord? Okay. D'accord. Il n'y a aucun souci. Pas de problème. D'accord. Et toi, sur ce, tu vas te faire enculer, mais bien profond. D'accord. Et tu me dégoûtes un gros salaud. Anthony, c'est qui là? Bah, passe-moi le avec téléphone. Ta pétasse, allô? Enculée. Oui, allô? Yes, hi. Ah. Ça va, tu t'amuses bien avec mon mec, toi? Est-ce que tu pourrais parler doucement, please? Non, je parlerai pas doucement. C'est tu vas voir, tu vas voir quand je vais t'attraper, toi. Tu vois, la branlée que je vais te mettre, grosse cuite, va. Et bon, repasse-moi Anthony, toi, dépêche-toi. Grosse pute? Oui, grosse pute, ouais, tu vas voir. Anthony, c'est ta grosse pute? Ta téléphone? Ouais, la grosse pute, tu vois, la grosse pute à t'attraper, tu vas voir comment ça va faire aussi. Sherry? Oui, mais c'est bon, oui. Là, c'est ça bon. Ça va, je... tu t'amuses bien? On va jouer, Anthony, t'inquiète pas, tu vois, la branlée que je vais te mettre, et ça me cache aussi. Non, tu vas te faire enculer, d'accord? Tu aurais préféré que je te le cache ou quoi? C'est qui? Eh! C'est qui, chérie? Elle est partie, elle est partie, elle est partie. Il faut que tu me répondes, sinon contre, je suis seul au monde. Anthony, si effectivement tu laisses Sandro dans le vent, après du coup ça devient compliqué. Hein. Mickaël, le podcast. Bon, dans un instant, on se fera le Mac du jour et avant ça, retour avec le chéri, je t'ai fait cocu. Toujours Anthony qui est là, toujours Connie. Hi. Voilà. Et puis toujours ta meuf qui doit être dans un état dramatique là, puisque tu lui as dit que tu l'avais rendu cocu, mais en plus tu as pas été de ma morte. Hein, non, moi j'ai bien aimé le. Tu t'es vidé les couilles. C'est ça. Ouais, c'est ça. En voilà, fait, je suis un Oui, bah, il faut jouer le jeu alors. Bon, on la rappelle, d'accord? Ah oui, c'est un plomb là. Ah oui, je te confirme. Allez, on y va. Au plus elle s'énerve, au plus tu gagnes. Et si elle pleure, c'est perdu. Si elle te largue, c'est double cadeau. Ah bah oui. Et vous jouez pour la PS3, attention. J'ai un R2, moi, ça va? Non, pas deux. Ah. Par contre, ça ne téléphone pas. Ah, ça marche. Non. Si on est sur un répondeur, c'est la merde. Bah alors. Attends, je recommence parce qu'à mon avis, c'est Micha qui a dû faire de la merde encore là avec le standard. Ah ouais, bah ouais. Non mais c'est vrai. Il rigole. Ah ça y est, tu vois? Oui. Oui, c'est moi encore là, je te rappelle là. Parce que tu m'as raccroché au nez là. C'est juste là, ben bah, je sais pas quoi, on parle là. Oui, ça avait été clair. Ah non, ça avait été clair. Bah attends, parce qu'on peut s'expliquer quoi. S'expliquer de quoi? C'est bon, tu m'as fait cocu, c'est bon, tu t'es bien servi de moi, tu t'es bien vidé les couilles, tu veux quoi de plus? Bah je veux quoi de plus? Quoi ça explique pour l'appartement là, mais qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que moi je garde? Je suis d'accord sur ça aussi. Ah mais putain, mais t'es pressé, ça y est, tu comptes te mettre en ménage avec toi de plus ou quoi? Chérie. Yeah. Elle sûre, elle compte, je vais l'attraper, sûre, je vais la démonter. Comment elle me fait cette robe noire? Je viens de rentrer, j'arrive. Mais comment tu la trouves la robe sur moi? Ah, la robe noire. C'était magnifique avec. C'est vrai? Robe noire, quelle robe noire? C'est la robe de nos fiançailles. De quoi? Ah, c'est toi, Quentin! En plus de ça, tu oses défiler mes fringues? Tu me la donnes? Tu peux surtout, demander à une copine si elle me la donne? Sérieux, tu peux pas péter les planches. Je te jure, pour toi, il va tirer contre le mur, là. Chérie? Tu prends pour une conne, là. Chérie, tu peux lui demander aussi, elle a pas les chaussures. Dis-lui qu'elle ferme sa gueule parce que là, merde, là, sérieux. Attends, je vous parlais des deux côtés, là, je peux pas, moi, j'y arrive plus, là. Mais tu lui dis qu'elle ferme sa gueule, tu mets une claque dans sa gueule et puis elle ferme sa gueule, ensuite, là. Mais non, arrête, elle est gentille, faut arrêter, là. Elle est gentille, tu vas voir ce que je vais en faire de ta gentille pétasse, là. Tu vas voir, je vais l'attraper, tu vas voir. Chérie, tu peux demander, peut-être elle a des chaussures qui vont avec, comme ça je le mets pour sortir. Mais bien sûr, ouais, c'est ça, en plus elle veut mes chaussures, ça va, elle veut pas mon string non plus. Elle veut pas mon string, demande-lui si elle veut pas mon string. Bon, attends, je vais lui parler directement, ce serait plus simple. Ok, si tu veux. Allô, grosse pute? Ouais, grosse pute, tu vois, la claque dans la gueule qu'elle va te mettre, la grosse pute. Enchantée. Dis-moi, est-ce que tu fais de combien? Du combien, ouais. Et ma main dans ta gueule, elle va faire combien qu'on se pute, là? Oh, can you speak slowly, please? Ça va, il te plaît, Oli, mon mec? Oli? Oh, ouais. Que nous faisons l'amour? Oui. Oui, quand c'est l'amour. Oh yes, yes of course. Ouais, c'est ça. Et tu l'as pêché où, ta gonzesse, là? Parce qu'elle est pas française, non? Non, elle est américaine, je te l'ai dit tout à l'heure. Américaine, ouais, américaine. Sherry, ouais. Tu vois, Sherry, l'américaine, tu vois, yeah, comment les françaises attaquent aussi, tu vas voir. Sherry? Yes. Elle chose du combien? 36. Oh là, 37 ou 36? Ouais. Mais tu vois, ouais, quand le 37, il va tirer dans son cul, ouais, tu vas 37, voir. 37, je peux pas mettre, j'ai des petits pieds, moi, c'est du 35. Ouais, 35, ah, ouais. Dommage. C'est des péniches qu'elle a, quand même. Bon, tu veux quoi, là? Tu me largues avec ta pétasse. Et je t'avertis, Anthony, ma robe, là, tu lui enlèves, ouais, tu rêves, là, bah, et tu me la ramènes de suite, là. De suite. Mais que si je l'enlève, elle est toute nue dessous, donc tu sais ce que je veux dire. Tu veux ma robe, tu la veux ici, maintenant, là. Oh. Tu me la ramènes de suite. Oh, tu veux que je l'enlève, là, un peu trop loin. De quoi? Mais je suis un peu trop loin, là. Je t'ai ramené, là, de suite. Là. Je rentre demain. Tu veux pas que je l'enlève? J'en ai rien à branler, tu te démerdes, mais ma robe, je la veux, d'accord? Ah, mais tu la récupéreras, peut-être pas, non, j'en sais rien, elle est pas après, peut-être pas, non, c'est pas, peut-être pas, c'est sûr, d'accord? Non, Sherry, c'est une bon, colle, tu raccroches maintenant. Mais je te dis pas comment. Sherry, tu raccroches, oui, c'est bon? Bon, elle ferme sa gueule, pas, sauf que je suis genre, je vais l'attraper, je vais la démonter, ce cul. Elle est un peu énervée quand même. Attends, passe-moi là. Okay. Allô? Quoi, oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Quel est le problème, puisque tu as l'air un peu excité? Le problème, c'est toi, la drogue? C'est moi? Oui, c'est toi, mon problème. Pourquoi? Pourquoi? Ça va, tu tires avec mon mec, je dois rien dire aussi, vas-y, la vie est belle. T'as qu'à le larguer en même temps, hein? De quoi? T'as qu'à le garder en même temps, le larguer, le jeter, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, t'as rêvé, ouais. Bah, jette-le. Dis-lui, c'est fini, il te trompe, jette-le. Mais oui, je vais le jeter, mais en plus de ça, toi, je vais t'attraper. Ah, c'est cool, Sherry, fais péter la pêche, toi, là, elle te largue. Ok, c'est bien. Bon, reprends là, je vais ouvrir parce que ça tape et t'ouvres pas, t'es un peu con, toi, hein. Anthony, là. Hey, hey, hey, how are you? Oh, man, trop well, bien. Oh, man. How are you? Yes, I'm fine. Oh. Fucking nigger. Ça va? Yes, because we're with girls. Hey, Connie, how are you? And a motherfucker. Yeah, man. Yeah. Do it good. Yeah, Anthony, where are you, man? I'm fine. Yeah, how are you today? Trop bien, quoi. Ah, ça va trop bien. Enfin, non, ça va pas bien, parce que je sais pas comment elle va arriver. Ah, Hansen. Tu m'écoutes, toi, là, au lieu de parler tes anglais de merde, là? Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Tu me veux quoi, là? Déjà, mes fringues, tu me les ramènes de suite, là, tu dis demain au plus tard. C'est bon. Tu vas pas chier, tu vas pas râler là pour une robe là, c'est bon. Quoi, cette robe, elle est précieuse pour moi, là. Hey, come on, sexy bitch party. Yeah. Ah, je te colle. C'est bon. Ah oui, mais c'est bon. Et tu penses à parler à mon nom? Harry Potter. On s'arrange entre nous. J'entends pas là, tu vois, tu bordel que j'en ai de mes deux là, tu mets là. Ah oui, j'en sais rien moi, là quand il parle à côté, j'y peux, je peux pas les arrêter là. Paris Saint-Germain. Et Sherry. Ah mais je sais pas. Sherry, nous allons commencer la partie maintenant. Tu le raccroches avec elle. Donc là, il faut que je te raccroche là. Ah par contre, Sherry, tu peux juste lui dire bien, que... mais en tout cas la fille tu la reverras pas. Sherry, tu peux juste lui demander si elle peut revenir prendre les autres affaires que j'ai pas gardées. Par contre, est-ce qu'on peut avoir la machine à laver, mais le micro-ondes elle peut le prendre parce qu'il est moche. Ok, attends, mais ça va, c'est pas chier, mais ça va te ramener des freins. Ça va, elle veut pas le canapé non plus, la table, la télé, non. Bah pourquoi pas, ouais. Bah si, on garde tout le reste. Quand je vais t'attraper, tu vas voir la prendre que je vais te mettre. Hey, Anthony. Oui. Tu peux me passer ton copine? Ok, ça marche, je la passe. Allô? Oui. Melissa? Oui. Hi, Melissa, c'est John. This is the best around. Ouais, John. On est des amis à Anthony et puis à Connie aussi, là. Et on avait un petit peu discuté avec ton copain là, il a dit que t'étais bien, donc tu peux savoir si tu pouvais passer ce soir. De quoi? Allô, attends, mets la musique moins fort là. Oh, mets la musique moins fort. Et Melissa, tu peux passer ce soir ou pas? Mais ils ont tué Kenny. Pourquoi? Tu prends pour une cut ou quoi? Quoi? J'entends rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Tu prends pour une cut ou quoi? Ah non, je peux pas, hein. Si tu acceptes le dollar peut-être, j'ai quelques dollars sur des billets verts. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu veux, hein, c'est 4 ou 5 dollars, je crois. Non, moi, je suis pas une pute, moi, d'accord? Ah non, mais je paye pas, hein, c'était juste pour faire plaisir, avec des billets que tu n'as pas l'habitude de voir ici. Ouais, c'est ça, non, mais tes billets, tu te les pars au cul, d'accord? Ah, oh, écoute, c'est dommage que tu parles comme ça. Toi et tes copains et Anthony, vous allez tous vous faire enculer, d'accord? All right, ok, no problem. Okay. Bon, ouais, no problem, ouais. Melissa, Ouais. Métis, c'est des bises, ça. Mais, what? Et ça, Métis, c'est des bizarres. Ah, ok. Tu vois, Julien Clerc. Mais... Mais dis ça. Il faut tendre ma gueule, rigole bien. Oh, on rigole pas. Oh, bah, si on peut plus rire deux minutes, c'est alors. Ça, on peut plus rire de rien. Non, mais c'est ça. T'as pas d'humour, hein. Mais dis ça. Oui, qu'est-ce que tu veux? T'es en direct à la radio sur Énergie. Hey. Ouais, ma gueule, mais je me fous pas de ta gueule. Bah si, on s'est foutu de ta gueule un peu. Non, là, ça mais c'est déjà fait. C'est le chéri, je t'ai fait cocu. Dis-lui, Anthony, qu'il s'est rien passé. Bébé, il s'est rien passé. C'est juste un jeu là. C'est juste un jeu à la radio là. Que donc, tu passes à la radio. De ma gueule là, c'est ça. Là, désolé, pardon. En boule de nerfs, je te dis pas comment. Désolé, vraiment, pardon. Pardon. Là, tu es vraiment désolé quoi. Oui, Sandro, en fait, c'était une africaine d'Amérique. Hein. Par contre, tu as aussi eu l'américain du Portugal un petit peu. Hein. Ah bon? Ah si. Ah quand? Sur une phrase. Ah, c'est possible, ouais. C'est bien drôle, on va essayer de la récupérer. En même temps, je suis portugais, tu n'es pas africaine, tu vois. C'est vrai. J'ai de la famille en Afrique. Hein. Ah ouais. Bon, bref, l'Inde, donc, mais Mélissa, en Mélissa, Mélissa, tout ça pour te dire que c'était une blague, ne t'inquiète pas, c'était pour un jeu, c'était pour gagner. D'accord. Il a gagné quoi dans l'histoire? Ah ouais, non, il a perdu. Il a gagné. C'était quoi qu'on avait mis une en jeu? C'était PS3. Non, c'était des capotes, je crois, avec un CD aussi. Oui, c'est ça. Des capotes. Ouais. Des capotes avec du lubrifiant. Voilà. Tu as gagné ça. Non, parce on va qu'en filer. Fait, il osait pas te le dire, mais il aimerait bien passer par derrière. On va vous. On va vous filer donc une PS3 avec le jeu Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Voilà. Ok, d'accord. On vous envoie ça et puis. Et puis Mélissa, on va te filer aussi un parfum Britney Spears Midnight Fantasy. Tu verras si c'est bien ou pas, d'accord? D'accord. Salut à toi, gros bisous à vous deux. Merci beaucoup. Salut, allez, ciao. À bientôt tous les deux. Et si vous voulez faire un chéri, je t'ai fait cocu. On remet le couvert demain, bien entendu, comme d'habitude. Donc si vous voulez, bah vous inscrivez hein, 612, débutez le message par MIKL. Et puis vous mettez cocu et votre numéro de téléphone. Ou alors tout simplement sur MIKL.fm. Où ça a fait rire tout le monde d'ailleurs hein, sur le chat. Ça va, ça fait plaisir. Surtout l'accent africain de Sandro. Oui. C'est non, vrai que l'accent africain de sang. Ouais, ouais, juste à un moment. Ouais. Juste à un on petit moment. On va récupérer ta phrase aussi. Mais ça, oui, parce que je suis curieux d'entendre, hein, ça va dire, effectivement, ouais. Bon, allez, on va se faire, on va démarrer tout de suite avec l'essentiel à retenir de l'actu. Un condensé de tout ce qu'il faut savoir pour ne pas passer pour un con au boulot ou au bahut. C'est le Mac du jour. Bon. On démarre avec la politique, c'est à La Rochelle que vont se retrouver demain Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn et tous les éléphants du PS pour l'université d'été du Parti Socialiste. Les militants qui aimeraient voir en leur parti une vraie force capable de contrer l'UMP seraient même favorables à une alliance avec le Modem. Voilà. Et puis pour terminer, ils souhaiteraient organiser des primaires pour désigner le futur candidat de la gauche au présidentiel. C'est drôle ça, les primaires à gauche avec Dominique Strauss-Kahn, ça risque de très vite devenir les préliminaires à gauche. Ouais, et puis on sait que les alliances ça représente rien pour lui, hein, demander à sa femme. Justice, la cour de LA a rendu son jugement. Le chanteur Chris Brown, qui avait agressé sa petite amie Rihanna en février dernier, a été condamné mardi à 5 ans de mise à l'épreuve et 180 jours de travaux d'intérêt général. Et donc sa première journée sera consacrée au nettoyage du trottoir où il a défoncé la gueule de Rihanna. Il reste encore quelques taches de sang et d'été des petits chicots à balayer. Oh. Allez, santé, la Nouvelle-Calédonie est en pleine épidémie de grippe A. Cette petite île française de 250 000 habitants compte déjà 35 000 malades atteints du virus. 5 personnes sont décédées et comme dans le Pacifique Sud, on est en hiver évidemment, le virus se propage à une rapidité vertigineuse. Le gouvernement a décidé de renforcer son action pour essayer de contenir l'épidémie. Ouais, d'ailleurs Jacques Chirac a même proposé une solution à Sarkozy pour régler le problème, c'est relancer les essais nucléaires dans le Pacifique. Oh Jack, bon, heureusement on a un envoyé spécial sur place pour faire un point sur la situation. C'est Wilkinson qui est là normalement. Wilkinson, vous êtes là? Will, enlevez le masque que vous avez sur la bouche, on n'entend rien là Will. Ah pardon, je disais que je me trouve en ce moment à Nouméa, capitale de cette petite île du Pacifique, et figurez-vous qu'elle est de forme allongée et qu'elle ressemble étrangement à un aliment italien, d'où son nom d'ailleurs, hein, la nouvelle cannelloni. Hein. Ouais. Bon, alors dites-moi, Will, le masque, c'est vraiment la seule solution pour se protéger du virus? Hein? Non, le masque, c'est juste parce que je suis dans une cérémonie hommage à Michael Jackson. Hein. Sinon, ici, la meilleure façon de se protéger du virus, ce sont les plantes. Ah bon, l'homéopathie est largement répandue sur l'île? Sur l'île? Ah, ça j'en sais rien, hein, Michael, faudrait demander aux Lillois. Hein. Oui, en tout cas, sur Nouméa, on se soigne beaucoup par les plantes. Bon, et sinon, il paraît que les dégâts sont importants auprès de la population. Les dégâts, oui, mais c'est pire que vous pensez, Michael. Ah merde. Ici, tous les malades sont jetés à la mer pour éviter d'infester les personnes saines, hein, c'est normal. Ah, franchement, hein, vous verriez tous ces autochtones qui se débattent dans l'eau, on dirait qu'ils font une course de canoë-canac. Bon, merci Will pour ce point santé en direct de la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à nous rappeler dès qu'il y a du nouveau, hein. Mais je vous en prie, hein. Par contre, je préférerais que ce soit vous qui rappeliez, hein. J'ai pas le forfait international, ça va encore me coûter une vos conneries. Très bien, merci, merci Will. Il est quand même grave son reporter. Ouais, mais je suis pas sûr que tu aurais des meilleures infos avec Tintin. Hein. Non, par contre, à choisir, je sais pas si je préférais m'appeler Tintin ou Wilkinson. Bref, la transition est toute trouvée. Passons au con du jour maintenant. Et comme hier, notre con du jour est un Indien. Alors, c'est pas qu'on s'acharne, hein, mais bon, il le cherche en même temps en roue. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Tout se passe donc en Inde, c'est Azim Khan, un petit gars de 3 ans qui adorait faire du vélo avec son papa, donc jusque là rien d'extraordinaire. Bon, il aimait bien tenir lui-même le guidon, mais tant qu'il y a son père pour gérer, à la limite pas de problème. D'ailleurs, selon le papa, le petit Azim était même beaucoup plus prudent que la plupart des conducteurs adultes qui connaissaient. Là, ouais. C'est déjà bien, hein. Bon, quand t'entends ça commence quand même à sentir le poney parce que tu comprends en fait que le papa avait beau être sur le vélo, c'est le gamin qui le dirigeait. J'ai un peu flippé. Mais là où ça commence à aller un peu loin, c'est quand le papa décide d'arranger sa moto, une puissante Royal Enfield Bullet pour Kazim, 3 ans je le rappelle, hein, puisse atteindre le guidon tout seul. Bon, tu vois, c'est un peu chaud, mais tant que la moto reste garée dans le jardin, c'est pas bien grave, ça lui fait, ouais, un petit kiff au petit. C'est ça, ouais. Seulement la moto, bah évidemment, elle reste pas dans le jardin, puisque le papa est carrément allé jusqu'à lui faire passer le permis à Azim. Arrête, tu déconnes, c'est une blague. Non, en fait, il a fait passer le permis moto à un môme de 3 ans, et le pire, c'est que le gamin l'a eu. Oh putain. Bon, petite restriction quand même, il n'a pas le droit de rouler en dehors des routes principales. Ouais. Bon, enfin, c'est vrai, ça. D'ailleurs, dans un bel élan de lucidité, le papa a même déclaré je fais confiance à Azim, mais... Non, j'arrive pas à faire l'accent indien par contre. Je fais confiance à Azim, mais je ne fais pas confiance aux autres conducteurs. Ah, bah ça va. Alors, oui. À savoir que le rêve ultime du gamin, c'est d'avoir une Harley. Ah bah très bien. Bon, alors qui est le plus con, le papa qui lui a sans doute trop fait écouter Johnny Hallyday, ou bien les juges qui lui ont accordé ce permis spécial? Bah, ouais, je dirais que c'est le gamin, il aurait dû refuser. Ouais. C'est non, c'est les juges là. Je crois qu'il y a les juges et le père en fait, hein. Mais bon, comment il a pu s'inscrire? Oui. Bah, c'est le père qui l'a inscrit. Mais c'est hallucinant. Tout simplement. Allez, on continue ce mag avec du sport et la fin des championnats du monde d'athlétisme de Berlin avec 22 médailles d'or, dont 22 médailles, pardon, dont 10 en or. Les États-Unis ont terminé en tête du classement. Ils devancent la Jamaïque avec 13 médailles, dont 7 d'or. Et le Kenya avec 11 médailles, dont 4 en or. Voilà. Et parlons de la France qui termine seulement 20e avec 3 médailles, dont 0 en or. Voilà, mais rigolez pas, parce que par contre c'est pas des vannes. Hein. Et alors ils sont juste devant Trinidad et Tobago, la Croatie et la Barbade. Oh là là là là. Donc ils nous ont battus. Non mais c'est pas une vanne, hein. Ça aussi c'est vrai. Oh là là, c'est un truc de fou. Bon, on ne pouvait pas parler de sport sans parler de foot. Franck Ribéry, donc l'international français du Bayern de Munich, s'est rendu aux arguments de son entraîneur Louis Van Gaal, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, qui le voit en meneur de jeu et veut essayer de le faire jouer en numéro 10. Réticent au départ, Franck Ribéry, qui évoluait sur le côté gauche depuis son arrivée au Bayern, a accepté de jouer au centre pour avoir plus de chances d'obtenir le Ballon d'Or 2009. Ouais, sauf que son entraîneur, s'il voulait pas le laisser jouer près des touches, c'est juste parce qu'il faisait peur aux spectateurs. Bon, il est temps maintenant de passer au crible, les prévisions horoscopiques de ce matin. Et aujourd'hui, c'est l'horoscope de Chéri FM qu'on va vérifier. On commence avec le premier signe, le mien, normal, les béliers. L'amour se range à vos côtés et vous rayonnez. Au travail, c'est toujours aussi intense, il faut retrousser vos manches. D'ailleurs, j'ai retroussé mes manches, elles sont courtes. Ah, hein, donc elle ne s'est pas trompée. Donc elle ne s'est pas trompée, effectivement, bien, je rayonne au travail. Bien. C'est vrai, les sports sont sur moi. Si tu rayonnes en amour. Non, au travail. C'est au travail ? L'amour se range à vos côtés, ah, oui, et vous rayonnez au travail, c'est... Voilà, donc c'est, tu n'écoutes rien je de ce qu'on fait. J'étais persuadé que c'était en amour que, voilà, tu rayonnais. Bon, qui c'est qui fait... Bah non, là. Et qui c'est qui fait... Scorpion, le suivant, Scorpion, c'est moi. Scorpion, qui est Scorpion? C'est quoi? Très bien. Une alors. Bonne nouvelle concerne vos finances. Pour certains, c'est le jour J pour négocier une petite augmentation. Ah, d'autres saisissent une bonne affaire. Alors le jour s'arrête dans 52 minutes. Ouais. Je t'attends juste un truc, c'est que c'est top pour les finances. Il y a juste un... Tu peux appeler Ben, je suis hors forfait. Ouais, il est au top de la finance. Ouais, donc mauvais alors, hein, mauvais. Le dernier, poisson. Poisson. Il faut ménager plusieurs points de vue et écouter chaque demande. Ce soir, vous y verrez plus clair. Côté cœur, c'est de mieux en mieux. Ah, le bonheur en ce qui veut rien dire. Voilà. Je suis pas capable d'avoir plusieurs points de vue en même temps, c'est le bordel dans mon cerveau. Hein. Ouais, mais par contre, vous avez remarqué quand même que quand l'émission commence, elle y voit plus clair. C'est vrai. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, et histoire de terminer ce mag en beauté, voyons si vous êtes au courant des déclarations de nos amis People. Ah. Parce que eux aussi en disent de belles conneries, hein, y a pas que nous. Hein. Vous êtes prêts? Attention. Allez. Cette fois-ci, pas de questionnaire, pas de questionnaire à choix multiple. Qui a dit je suis la deuxième Marilyn Monroe, talentueuse, prête à tout pour réussir, mais incomprise? Moi. Non, moi qui l'ai dit ça. Non. Allez, un indice en bas de votre radio, bien évidemment, c'est écrit en bas à la droite. Je ne suis ni Paris Hilton, ni Nicole Richie. Je suis intelligente. Ah. Non. Non. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, bonne réponse. Ah oui, pas mal. Et sans tricher, bravo. Qui a dit on me dit au moins une fois par jour que je suis un crétin? Toff. Bah, ça aurait pu être moi. Non. George Bush. Non, un indice en bas de votre radio toujours. Par contre, je sors avec une bombe de meuf et je vous emmerde. Nicolas Sarkozy. Non. Il y en a beaucoup, hein. C'est vrai. C'est un indice qui est pas très facile. Ashton Kutcher. Ah bon? Ouais. C'est pas une bombe de meuf. Exactement. Ah, écoute, après. Elle est vieille la bombe. Hein. Ouais, c'est ça. C'est... Enfin bon, à l'époque elle était bonne. Bombe, la seconde guerre mondiale. Elle a jamais explosé surtout. Hein. Bon, allez, la troisième. Qui a dit j'adore nettoyer, je suis un passionné de propreté, de ménage? Bah, monsieur propre. Monsieur Sarkozy. Non. Un indice toujours en bas de votre radio. Il m'arrive même de nettoyer le vestiaire après la douche avec les copains. Bah c'est un fouteux ça. Caca. Domenech. Non. Bah déjà c'est un gay puisque c'est la douche avec les copains. Non. Zidane. Non. David Beckham. Beckham. Eh ouais. Ah mais oui, c'est voilà. Vrai, c'est un maniaque. Vous avez été mauvais. C'est la fin de cette édition. Si vous en voulez plus, bah rendez-vous un autre jour pour un nouveau mec du jour. Mickaël, le podcast. Bon, The Pierre Wallace Show. Are you ready? Ah oui, je suis for ready. For the show tonight. Ah, on y va, le show est là. Let's go. No, salut, c'est Christophe Maé, je suis dans le polo show. Ça va ou quoi? Faites pas passer pour un con parce que je raconte tout ce que je vois. Bienvenue dans le polo show, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une nouvelle année, donc des nouveaux jiggles bientôt, j'espère, avec des stars, des millions et des millions de stars. J'ai été grondé hier par le rédacteur en chef du Follow Show, figurez-vous. Et oui, parce que tout le monde se demande, il pense que je viens comme ça et qu'il n'y a pas de préparation et que c'est free fight, free light, free life. Non, le Follow Show, il y a une équipe derrière. Donc le rédacteur en chef m'a dit de travailler l'intro du Follow Show. Alors j'ai chargé les auteurs de faire quelque chose, donc ils m'ont proposé plusieurs choses, tu vois. Ils m'ont proposé de ramener des filles nues, tu vois, pour se mettre à poil ici devant moi et en fait, pour faire monter l'audience, ça n'a aucun intérêt, hein, puisque c'est y'a que moi qui va, à part me faire avoir une érection, aucun intérêt d'avoir des filles nues. Alors, ils ont réfléchi, et ils se sont dit qu'ils allaient me mettre un orchestre dans l'émission. Je me suis dit, mais non les gars, c'est pas possible, l'orchestre, il est ailleurs à cette heure-là, enfin, tu vois, il a travaillé toute l'après-midi, donc il peut pas venir ici l'orchestre. Alors, j'ai eu une grande idée, je me suis dit qu'on allait torturer Toff en direct, qui est quand même la chose la plus intéressante qui existe au monde. Et maintenant on me fait court. Je fais ce que je veux, monsieur le standardiste. Ça pousse. Alors je me suis dit en fait je fais ce que je veux. Hein. Si j'ai envie d'insulter les gens, leur dire d'aller se faire foutre, je le fais. Si j'ai envie d'emmerder le monde, eh ben je le fais. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce que je suis Polo du Polo Show et je fais ce que je veux. Un auditeur! Et oui, j'emmerde le rédac chef. C'est une petite. Ouais! Polo, moi aussi je l'emmerde du rédac chef. Okay. C'est le meilleur, Polo. Merci. Polo, c'est le meilleur. Attends, calme-toi. Ah, ta gueule. Ah, hop, top. Je fais ce que je veux. Bon, qu'est-ce que tu veux? Eh, le rédac chef, c'est... Il est petit, le rédac chef? Eh, Polo. Ouais. Toi qui es la star, mais la star montante, propulsante de la FM. Propulsante, tu sais, la FM, ouais, avec du gasoil. Je marche au gasoil, moi. Eh, Polo. Ouais. Polo. Polo, toi qui as des connexions partout, tu sais la Cindy la Secret Story? Ouais. Je voudrais la cartoucher, tu pourrais pas m'arranger. Et bah c'est comme si c'était fait. Oh putain. J'appelle TF1, moi j'ai le bras long, t'inquiète pas, je connais tout le monde, je connais tous les attachés de presse. Je connais les attachés de presse de la terre entière, je fais péter le truc. Allez dans ton lit mon pote. Ah bah toi allez dans ton cul mec. Eh bah alors casse-toi. Jingles. Je m'appelle Corey Taylor et j'aime le Polo Show. You're listening to Polo Show. J'aime. Minuit 13 à minuit 15. J'aime Polo. This is Polo Show. Le Polo Show. Et sur énergie avec Jean-Sens Mobile. Une relique. C'est le revival. Parce que c'est dans la mode, c'est bien de refaire du vieux. Non, de l'ancien avec du vieux. Non, du neuf. Bon bref, on s'en fout. Oui, c'est qui? Allô. Allô. Ah. Allô. Ernest. Ernest. Oui, on l'avait remarqué, t'avais pas besoin de le dire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Ernest? J'appelle pour ma grande passion. C'est quoi? J'ai fait une formation. De quoi? C'est officiel, j'ai mon premier métier. De quoi? J'ai mon premier métier. C'est quoi? Je suis souffleur au théâtre. Quoi? Je suis souffleur au théâtre. Comment t'expliquer? Tu vas, tu sais qu'un souffleur, ça doit parler doucement. Mais je parle doucement. T'es sûr? Oui. Bon, bah écoute, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, en fait, mon vieux Ernest? Je cherche une pièce pour travailler. Mais il faudrait que les acteurs parlent très très très fort. Ok, Ernest. Bon, on passe l'annonce. Ok. Ok. Je suis aussi fils de pute, accessoirement. De quoi? Accessoirement. Ouais. Si je peux avoir du boulot, je suis aussi fils de pute. Ok, Ernest. Ça peut servir, ok, merci Ernest. Avec plaisir. Au revoir. À qui est là? Oui, allô. Ouais, allô. Oui, le professeur. Ah, pareil. Ça fait longtemps. C'est les vacances, jeune professeur. Mais justement, c'est pour ça que j'en profite, je vous appelle. Bon, allez-y. Hein. Voilà, donc je suis professeur d'histoire avec un grand S. Oui. Normalement, vous auriez dû me dire qu'il n'y en a pas. Si, non, mais moi, je veux tout. J'accepte tout maintenant. Oui. Je vous disais ça parce qu'en fait, donc je ne fais que l'histoire, mais l'histoire du sexe. Ouais. Hein, mais en fait je vous appelle pas pour ça, c'est au sujet du warm-up du Polo Show, ouais. L'émission de Micheline juste avant vous. Ouais, qu'est-ce qu'elle a cette émission? Il parlait de l'ami de la maison du vin, ouais. qui veut avoir un enfant pour goûter sa consommation. D'accord. Et là en tant que professeur je me dois de mettre le holà. Pourquoi? Hein, bah, vous n'avez pas lu, oh là, pas lu y les aventures de holà derrière. Non. Ah bah. Vous auriez dû, hein, parce que vous avez vu comment il a fini Obélix après être tombé dans la marmite. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a de la... Ouais, oui, il est gros, il a une force surhumaine, et alors? Et ben voilà, ben c'est tout. Hein, il va finir gros et plein d'alcool. Bon, bah ben c'est parfait. Merci, professeur. Bonne soirée. Avec un S comme con. C'est ça, hein? Non, allez, casse-toi. Qui est là? Ouais, Polo. Ouais. Ouais, c'est le rédacteur en chef du Polo Show. dis-moi, tu m'as grillé un écran pub là? Non mais quel écran pub? Y a pas de pub. Non, écoute, moi j'ai des clients qui attendent derrière, tu m'as grillé un écran pub. Ouais, alors, tu m'as balancé un jingle comme ça qui veut rien dire au milieu de nulle part, tu m'as grillé un écran pub. Ouais, mais y a des choses qui se font et qui se font pas dans les médias. Par contre, j'ai bien aimé ton intro, j'ai trouvé que ça venait du cœur. Ouais. J'ai senti que tu avais mis quelque chose de personnel, donc c'est ça vrai. Fait un plus. Je te remercie pour le débrief. Et sinon, au niveau des auteurs, bon, on a réfléchi et on va te proposer un truc. Ouais. On va te fournir dans le studio en direct un orchestre avec des filles nues qui seront en train de torturer Toff pendant qu'il insultera les auditeurs. Eh ben, je prends. On fait comme ça. Ok. Bon, vas-y, continue à travailler comme ça. Bientôt, tu vas peut-être frôler les audiences de Micheline. Merci, rédac chef. Connard, bah. C'est vraiment des cons, les rédac chefs. C'est comme les attachés de presse, ça sert à rien. Jingle. Hey, what's up? This is Chris from the band Daughtry, and you're listening to the Polo Show. Je suis en train d'assister à un spectacle absolument horrible à la télé. Il y a un combat de boxe thaïlandaise et c'est d'une violence inouïe. Voilà. Ainsi s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci à ceux qui ne l'écoutent pas. Le public était là, mais tu es tellement laid, public, que je ne veux même pas te citer. T'es horrible. On dirait un corbeau. Allez, on s'en va. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.